Salut à toi, auditrice, auditeur de Radio Game of the... Ouh là là, qui fait chaud. Et il le fera encore plus dans quelques instants grâce aux deux gaillards que je reçois dans ce studio de Radio Game of the... 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne, les Remiremont. L'émission hors format, vous connaissez le principe. On sait à l'heure où elle débute, 14h, un samedi sur deux. Mais on ne sait pas à quel moment elle se finit. Ça dépendra du feeling qu'il y a entre les invités d'aujourd'hui et moi, et puis ce qu'ils ont à dire, et surtout leurs impératifs, puisque notez d'ores et déjà que ce soir, vous pourrez voir les salopettes acoustiques, puisque c'est deux dont il s'agit, en tout cas deux de ses membres, à savoir Danny S, alias Danny Deru, et Tony Stery. Ah ben attends, parce que j'ai pas encore ouvert le micro, pour l'instant c'est moi qui tiens le crochoir, puis je sais pas, peut-être que je l'ouvrirai pas, tiens je vais faire l'émission rien que pour moi aujourd'hui, ça serait pas mal. Et Anthony Stery, alias Tony Fomblard. Je l'ai fait déjà flipper de dire leur nom d'état civil. Hein. Et oui, vous formez tous les deux les salopettes acoustiques et vous serez en concert ce soir au camping des Myrtilles à Gérardmer à 20h. Ça se trouve au 102 chemin des Barrues. Mais ceux qui écoutent vous ont peut-être vu hier soir du côté de Saint-Amé au bar Le Potter Laca. Sinon, la veille, le jeudi, c'était du côté du pour les jeudis en fait. Il s'agit des salopettes acoustiques, je l'ai dit. Bonjour messieurs. Salut Mika. Ça y est, on peut parler là? Ouais. Tu vois, dès que t'as la lumière rouge, c'est que c'est bon là, je pense. On air. C'est quoi le temps maximum pour l'émission? On doit pour s'arrêter l'instant, quand? Record à battre, c'était... David Vincent, 4 David heures. David Vincent. Ouais, on va battre. 3h52, je crois, pour être précis. On va battre allez, le record. Les 4 heures, allez. On est là jusqu'à 18h, on va voir. On va voir, en tout cas, il y a beaucoup de matière. Hein, en préparant, j'ai remarqué ça. Il y aura beaucoup à dire sur ces deux messieurs. Et en tout cas, il y aura aussi des références pour vous. Si vous voulez aller voir sur Internet, il y aura aussi beaucoup de musique, que ça soit issu des galettes ou en live, puisque vous avez vos grattes acoustiques, forcément. Puisque ce duo, les salopettes acoustiques. Le principe de l'émission, en plus de sa durée, c'est aussi que j'invite généralement deux, c'est arrivé trois, mais plus rarement, artistes. Et alors, ils se rencontrent, des fois ils se connaissent déjà. Moi, j'aime bien quand ils se rencontrent, puisque comme ça, ça peut permettre de jolis moments. Puis après, peut-être des projets communs, c'est arrivé. Vous, vous êtes déjà rencontrés, ça ne sera pas ici que ça se passera. Où et quand c'était ? Je laisse Tony répondre parce qu'il m'a rencontré avant, enfin il a des souvenirs plus vieux que moi, donc c'est lui dans l'ordre qui va répondre, voilà. Qui va raconter d'abord la première rencontre. Je l'ai rencontré sans qu'il me rencontre, en fait j'allais voir un concert de Renaud quand j'avais 13 ans avec mes parents, donc en 2004, voilà, ceux qui veulent calculer peuvent calculer mon âge, et puis il était devant, il jouait devant la file d'attente. Alors j'étais impressionné, voilà, parce que quand on a 13 ans, on est impressionné par ce genre de choses. Pour moi, c'était un chanteur, quoi. Alors je lui ai écrit un long pavé grand comme ça, voilà. On voit pas le gestuel à la radio, du coup ça n'a pas de sens, mais grand comme ça, sur son forum, pour lui dire que j'ai bien aimé ce qu'il faisait et tout, que je l'admirais. Et il m'avait juste répondu oui, à l'époque, oui. Donc c'était ma première déception du Star System, quoi. Et voilà, bah c'est là que je l'ai rencontré. Je l'ai revu dans la rue à Metz encore cette année en 2004 en me baladant avec mes parents. Et bon, je savais qu'il existait, je savais qui il était, quoi. Moi, c'était ma première rencontre avec. Ce n'était pas un mythe. Non. Ça, c'était une rencontre virtuelle, mais la rencontre en chair et en os. Alors il se trouve que l'année dernière, la mairie d'Algrange, qui organise toujours des concerts gratuits à peu près aux alentours de la fête de la musique, avait organisé Elmer Footbeat. Et bon, je suis pote avec l'organisateur, je vais toujours faire un tour. Et je vois la première partie, le groupe s'appelait... Les Cunted Cunts, voilà. C'est mon groupe de punk rock. Voilà, et donc Tony assurait la première partie avec son groupe de punk rock, les Cunted Cunts. Bien dit. Et donc on a mangé ensemble. On a vraiment bien sympathisé. Les spaghettis au poulet. Oui. C'est intéressant. Très bon, très bon. C'était vraiment délicieux. Et on a sympathisé. Et j'étais, moi, sur le... Du coup, ça me titillait depuis un moment de jouer avec des musiciens. Parce que ça fait longtemps que je tourne seul mon tour de chant théâtralisé qui s'appelle Danny Derus Me Au Chaud. Et j'avais envie, je fantasmais d'un side project avec quelques musiciens, donc garçons et filles, et surtout surtout avec plusieurs écritures, enfin m'oxygéner de toujours le côté parole et musique Daniel S sur mes albums, et donc du coup j'étais sur ce plan là qui sur ce projet des Salopettes Acoustiques, et pour faire la basse durant l'été j'ai demandé à Tony, dis donc Tony, est-ce que ça te dirait de rejoindre le groupe les Salopettes Acoustiques et d'être le bassiste, parce que Tony joue un peu de tous les instruments comme ça assez aisément, et donc il m'a dit bah ouais moi je viens. Et donc voilà, il nous a rejoint dans cette aventure folle qui s'appelle les Salopettes Acoustiques. Bientôt un an d'existence, ouais. D'ailleurs vous les fêterez, ça sera au mois de septembre, hein, 28, 29 et 30 septembre prochain à Nilvange, au Gueulard. Ouais, le Gueulard Bar, parce que il y a confusion souvent, parce qu'il y a le Gueulard qui plus, le smack. Gueulard Plus. Le Gueulard Plus qui est un peu la souris verte chez vous, je crois, c'est un truc c'est comme ça. C'est ça, ouais. Et il y a le Gueulard Bar qui est plus un café-concert historique. Donc nous on est toujours au café-concert historique en septembre. À Nilvange, en Moselle, on peut réserver ses places. Ouais, sur le site du Gueulard, Gueulard Bar, on peut trouver tout ça. On écrit à Mauro, il n'y a aucun problème pour les résas, quoi. Et puis, vous pouvez aussi aller voir du côté de la page Facebook des Salopettes Acoustiques. Vous tapez dans votre moteur de recherche. En plus de la page FB, il y a un site bien complet qui parle de votre histoire, également des membres présents, et puis de la discographie. En un an, vous avez sorti un album qui s'appelle Discount. Est-ce qu'on... Je retiens. Ah bah, tu c'est une radio libertaire. Ah oui, je peux bon, on verra que c'est ton truc, hein, quand tu fais des performances sur scène. On verra plus tard. Performance cassoulet, mais restez avec nous, voilà. Ça c'est du teasing. Ouais. Pour l'instant, on va écouter Discount, un premier morceau de cet album qui porte le nom. Hein, c'est le morceau éponyme. Les Salopettes Acoustiques, Discount. Vous prenez l'aboration pour justifier un prix de plomb. En faire partout dans tous les coins, que le client cède enfin. Ici nous prônons le contraire, le jet brut est l'idée première. Et s'il est riche en sentiments, il coûte pas cher, gagnant, gagnant. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. C'est sûr qu'on a fait notre affaire avec trois morceaux de ficelle. Et c'est en cherchant le bonheur, et pas midi à 14h. S'il faut être la culture du pauvre, plan B de ceux qui ont presque rien. On sera content si on les sauve du triste ou d'un affreux destin. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. Il ne faut être agrégé pour comprendre les fleurs et les filles. Il suffit de les regarder et leur beauté nous éblouit. Le discount a le prix des puces, des chiens ou des ordinateurs. À vous d'y voir les belles astuces, simplement en ouvrant le cœur. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien, il est à vous, efficace et surtout pas cher. C'est une des clés de ce discount à valeur si peu pécuniaire. Pour trois fois rien. Ok, que ça fait du bien, les Salopettes Acoustiques, avec ce premier album qui se nomme Discount, et c'est bien, vous avez entendu, alors non pas le premier titre, hein, mais c'est celui qui donne le nom de l'album. C'est parce qu'il est pas cher. Et c'est le single, c'est le clip aussi, le clip est sur YouTube. Puis c'est pas cher. Quel magnifique clip, qui est d'ailleurs la pochette de cet album, Dany. Ah non, le clip, c'est pas la pochette. Hein. Ben, sur le clip, on retrouve l'image de toi et ce petit garçon. Ah oui. C'est-à-dire, le petit garçon est venu sur scène avec nous et l'image est tirée, et on l'a incluse dans le clip, oui. Alors, l'histoire de la pochette, c'est que c'était en 2017. Oh là là. Début 2017, j'avais fait un album qui s'appelait Le Non-Retour de Rémi Vinacci, où la chanson était On est tous des losers, le single était On est tous des losers, et on s'apprêtait à faire le clip, à tourner le clip. Et donc, si tu veux, on est au mois de janvier, il y a du verglas, tu vois l'ambiance. Et moi, je sors, la première scène du clip, c'est, je sors d'un appart, je me fais virer par ma nana, donc je sors en marche arrière. Et sauf que, je glisse sur cette plaque de verglas et je me luxe l'épaule dans l'instant même de la première scène du clip qu'on tournait. Et donc, si tu veux, on a annulé le tournage le jour-là, et le gamin qui était là pour faire un, si tu veux, un clin d'œil au kid de Chaplin dans le clip, tu vois, on devait faire un peu des petites aventures, lui et moi. Et le gamin était en salopette comme moi le jour-là pour faire le clip, et je me retrouve à lui dire, écoute, on va pas le tourner, quoi. Il était tout déçu. Et j'ai dit à sa maman, écoute, pour mon prochain album, je pense que je vais faire une pochette où lui et moi, on fera la pochette en clin d'œil au kid de Chaplin. Et c'est-à-dire la pochette en est un clin d'œil ouvert à l'affiche du film de Le Kid avec Charlie Chaplin, quoi, en fait. Et ce qui est amusant, c'est que le jour où on faisait la photo avec sa maman, qui est une fille très blonde, tu vois, qui avait une jupe, et on était en extérieur et il y avait du vent. Et sa jupe s'envole, et dans l'instant, on était en train de symboliser les deux scènes les plus historiques, je dirais, de l'histoire du cinéma, c'est-à-dire d'un côté le kid de Chaplin, et de l'autre côté Marilyn Monroe dans 7 ans de réflexion, le moment où sa robe s'envole, et voilà. Bon, bah, l'anecdote est amusante, voilà. Mais c'est ce qui fait que le gamin, Noah, s'est retrouvé pour la jeunesse des Salopettes Acoustiques, une petite mascotte comme ça, parce qu'il est, du coup, il se retrouve sur le disque. Et c'est moi qui ai réalisé le clip, voilà. Ouais, parce que j'aime bien parler de moi. C'est le Fomblard qui a fait le clip, ouais. Et puis, le Tony Fomblard aime l'image. C'est un musicien, comme tu le disais, complet. Il joue sans doute de tous les instruments. T'as commencé par la batterie, c'est ça? Et il est écrivain aussi. Il a fait des bouquins. Eh ben oui, mais c'est pour ça que je disais qu'effectivement, on battra peut-être le record, sauf si vous séchez d'ici là, puisque on doit le dire qu'il fait bien chaud dans la partie où vous êtes. Et comme l'animateur est un peu pervers, lui, il a le droit au ventilateur. C'est super. T'es un connard. Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Ouais. Bon. Oui, on verra tout ça, mais nous n'allons pas nous disperser. On parlera des bouquins, on parlera de l'image, l'importance des images pour toi, Tony, qu'elle soit en arrêt, la photo, mais je crois que c'est plutôt l'image mouvement. Hein. Et tu disais, tu as réalisé ce clip Discount des Salopettes Acoustiques. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça, cet album et cette chanson? Il se trouve que depuis une quinzaine d'années, mes albums, le prix est libre en général. Les gens vont donner ce qu'ils veulent pour un album, parce que souvent, ils me l'achètent devant les files d'attente des concerts. Et en fait, ils connaissent pas du tout. Ils me voient quelques secondes, quoi. Et donc, je leur dis, donne ce que tu veux, donne 3 euros, et puis c'est bon, quoi. Et les gens donnent éventuellement 3 euros, voilà. Et donc, le discount, c'est parce que, effectivement, le prix de vente de cet album va être, le prix moyen va être de 3 euros. Je le sais déjà, parce que c'est ma vitesse de croisière depuis des années. Donc, je trouvais que pour le disque, des Salopettes Acoustiques, l'appeler discount, c'était un jeu de mots un peu évocateur de ce qu'il en est de la situation, et puis aussi parce que les Salopettes Acoustiques, c'est au-delà d'un concept musical où on joue en salopette et en acoustique, c'est aussi une idéologie du plan B et de la débrouille et du système D, enfin vraiment de cette histoire de faire des choses avec pas grand chose, avec 3 bouts de ficelle, comme je le dis dans la chanson, et qui sont livrés en art populaire, c'est-à-dire pour être accessible au plus grand nombre, et dans ces cas-là, il faut que le tarif soit attractif. Tony vous avait mis déjà tout à l'heure la puce à l'oreille quand il vous a raconté l'anecdote concernant la rencontre avec Dany. Maintenant, ça y est, celui-ci en a remis une couche, le Dany. Vous savez, vous vous dites, oui, je l'ai déjà vu dans quand je faisais la file d'attente pour Sting, pour Johnny Hallyday, pour Sanson, pour Renaud, puisque moi, je dois le dire, c'est là aussi que je t'ai vu, Dany, et j'avais trouvé que fallait le faire, être là dans la file d'attente et puis jouer ses propres chansons. Hein, pas les reprises d'artistes, par exemple l'artiste que les gens viennent voir, mais tes propres morceaux. Voilà, bah oui, c'est ça que je viens promouvoir. Voilà. Et c'est-à-dire, tant que l'artiste qui passe sur scène ne fera pas une reprise à moi, je n'en ferai pas une à lui. Donc je suis obstiné et têtu. Donc jusqu'à nouvel ordre, je joue les miennes. Mais ouais. Comment tu as eu cette idée? Puisque finalement, on se dit, elle est excellente, mais t'as personne qui s'y colle. Enfin, j'en vois, à part toi, j'en ai jamais vu d'autres. Bah, il se trouve que, alors l'idée, je l'ai eue parce que j'avais postulé, et la tournée de Renaud, en l'occurrence, c'était la tournée piano-guitare à l'époque. J'avais postulé à une salle de spectacle qui, en l'occurrence, est payée avec mes impôts, quoi, en Moselle, et pour faire la première partie, fort de mes, à l'époque, 200 articles de presse, enfin bon. Et la directrice de la salle me dit, ah non, chez nous, il n'y a pas de première partie, les locaux, on n'en veut pas, etc. Alors, moi, je lui ai dit, je l'ai regardé dans les yeux, je lui ai dit, vous savez quoi, la première partie, je vais la faire devant la porte. Et j'étais venu comme ça la faire devant la porte. Et alors, il se trouve qu'on le sait, devant les files d'attente, il y a des gens qui sont là depuis 16 heures, quoi, en gros, qui attendent l'ouverture des portes, mais ils sont là depuis 16 heures. Donc, le temps peut paraître long pour attendre les 18 heures d'ouverture des portes, ou 19 heures des fois. Et donc, du coup, je suis arrivé, je leur ai simplement présenté la chose. Je leur ai dit, voilà, il n'y a pas de première partie, on n'en veut pas, moi, je vais vous la faire dehors. Et les gens étaient extrêmement solidaires avec moi, parce que j'ai dû couler une quarantaine de disques le soir de Renaud. Et je me suis dit, dis donc, c'est l'économie d'un petit café-concert, quoi, ce que je vais faire ce soir financièrement, quoi. Et je me suis dit, du coup, ça plaît aux gens, ça, je peux gagner ma vie, donc je vais peut-être m'engouffrer là-dedans, parce que finalement, il n'y a que moi. Et aussi oui, je peux parler des furoncles, c'est-à-dire je jouais depuis des années dans les cafés-concerts et je dois me heurter aux furoncles, c'est-à-dire les furoncles, c'est les groupes de 4 mecs qui vont jouer pour 200 balles. C'est des gens passionnés. Voilà. Voilà. Les passionnés, quand on peut les appeler aussi, les gens qui viennent jouer pour 200 balles alors que nous un intermittent du spectacle, il doit demander ça pour gagner sa vie et moi je pouvais pas rivaliser avec cette économie libéral et je refuse de dire libertaire mais de fils à papa de mes couilles et donc du coup je devais trouver un palliatif pour faire ce qu'ils n'oseront jamais faire parce que ils n'oseront pas le faire ce que je fais et donc du coup je vais là où ils n'oseront pas. Voilà. C'est marrant puisque on le disait, Tony et moi on t'a découvert dans ces files d'attente c'était pour un concert de Renaud et ton premier c'était Renaud. Moi, c'était parce que Renaud, j'ai beaucoup fait parce que alors plus le concert est médiocre, plus ça marche pour moi. Donc Renaud, j'ai beaucoup donné. J'ai fait par exemple Bob Dylan, c'est génial aussi pour moi. Et il y a des artistes comme ça qui sont vraiment très très bons. Je l'ai d'ailleurs remercié. Renaud, il l'a mal pris, mais plus le concert est vraiment médiocre, plus ça va bosser pour moi. Le tacle dingue au niveau des oreilles. Mais t'as pas fait que, hein. Là, t'en as cité deux. Moi, j'en ai cité quelques-uns. Généralement, c'est des artistes reconnus, en tout cas populaires, et dans des grandes salles. Bah, ouais, j'aime bien les Zéniths, ouais. Ouais, j'aime bien le Galaxy d'Amnéville, le Zénith de Nancy. J'aime beaucoup ça, quoi, ouais. Mais je fais aussi des SMAC. Je fais aussi les Trust à Terreville. Je veux voir le concert en plus, donc je vais aller jouer devant, quoi. Tu nous parlais des Quentin Cunts, le groupe de Tony Fomblard. Ouais, bah c'est un groupe dans lequel je suis guitariste, voilà, depuis 5 ans. Oui, parce que vous allez voir, hein, Tony, je ne compte plus des groupes. Genre, il y en a déjà 5 là qu'on écoutera certainement. Ah bah super, si on arrive à écouter un peu de tout et faire un rétrospectif, oui, je reste 8 heures. C'est ça, c'est le but. Et là, ça va être rapide, hein, comme tout titre punk qui se respecte. On va aller faire, vous et nous, un petit tour à Honfleur. Ah, attends. Mais toi, tu m'as pris la main, tout comme je t'ai pris. Mais toi, tu m'as pris la main, tout comme je t'ai pris ton cœur. Tous les deux dans le même train, on ira jusqu'à 11h, jusqu'à 11h. Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Mais toi, tu m'as pris la main, tout comme je t'ai pris ton cœur. Tous les deux dans le même train, on ira jusqu'à Honfleur. Mais toi, tu m'as pris la main, tout comme je t'ai pris ton cœur. Tous les deux dans le même train, on ira jusqu'à Honfleur, jusqu'à Honfleur. Vous écoutez l'émission hors format sur Radio Gemozo avec Danny Desrues et Tony Fomblard. Tony, qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Qui est ce groupe? Alors voilà, c'est un groupe dans lequel je suis guitariste depuis 5 ans. Mais et dis le nom parce que moi je vais encore l'écorcher. Les Cunted Cunts. En français, ça veut dire un truc comme les connards défoncés. Voilà, bon, voilà. C'est pas très original. Mais de toute façon, c'est du punk, donc c'est pas très original de base. Et c'est mon pote Romain qui chante, voilà, sur la chanson. Il chante bien, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est justement dans l'esprit punk, on ouais. le disait. Et puis avec ce groupe, il y a eu notamment des moments forts, je crois, par exemple avec Didier Vampasse. Oui, oui, oui, on a joué. Eh, hey, écoute ça. On écoute ce morceau avec Didier Vampasse. Ah ouais. On en parle juste après. C'était les Cunted Cunts, car c'est toi, titre avec Didier Vampasse. D'ailleurs, ce titre, bah, c'était une reprise de Sugar and Tiger. Hein, c'était le groupe de la famille Vampasse, puisque en plus des Vampasse, il a fait un groupe avec sa famille, ses fils et sa compagne. Tony. Ouais, c'est ça. C'est aussi des copains à nous. Hein, on a joué plusieurs fois avec eux. C'est même plus simple de jouer avec eux parce qu'ils sont plus accessibles. Et voilà, Sugar et Tiger, c'est sa femme et ses enfants. Alors, on adore. Du coup, j'ai coupé avant la fin parce que je voulais pas me faire avoir. Alors, écoutez, puis je vous explique. Les Counting Cunts, c'était chez Paulette, à Panier, derrière Barine, et ouais. Avec Didier Vampas. Et vous pouvez voir ce clip, enfin cet extrait de concert sur YouTube. Et c'est pour ça que je voulais pas me faire avoir, parce que après, il y a un moment où on voit, disons que la chanson est reprise une deuxième fois, une partie du morceau, t'as dû le voir, Tony, puisqu'il y a une caméra isolée sur Didier Vampas. Du coup, je voulais pas me faire avoir, on va tout dire, je suis allé chercher de l'eau, je croyais que c'était déjà la fin, et pan, et j'ai failli couper le meilleur moment, ouais. Puisque Je suis Punk et Je t'emmerde, ah bah c'est un titre de toi, Tony, que tu as écrit, et Didier l'a repris. Ouais, c'est ça, c'est un des premiers morceaux punk que j'ai écrit quand j'avais 16 ans pour mon groupe. Voilà, et puis Didier, il est venu voir deux trois fois les Fomblards en concert, et puis mon premier groupe où je suis chanteur, les Fomblards, et il a adoré cette chanson. Alors du coup maintenant, dès qu'il me voit, il s'amuse à la chantonner, et surtout quand je fais sa première partie, il est tout fou. Et ce concert-là, je me souviens, il chantait donc la phrase "Je suis punk et je t'emmerde", il l'a gueulé comme ça à chaque solo, dès qu'il y avait un solo dans une chanson, ça durait au moins 15 fois pendant le concert. C'était vraiment marrant, je voyais ça des coulisses. Et c'était un super souvenir, ce concert. Mais bon, pas seulement au niveau de l'ego, parce qu'il l'a chanté une de mes chansons. C'était un super concert des Vampas. Ils étaient en forme et ils étaient... Voilà quoi. Vous étiez en première partie des Vampas. Ouais. Et voilà, donc c'était une surprise ou il t'avait dit qu'il viendrait... Non, c'était une surprise. C'était pas prévu qu'il nous rejoigne sur scène pour chanter Car c'est toi. Parce que vous la jouiez, cette chanson. Ouais. On jouait la reprise de Car c'est toi. Mais en revanche, qu'il vienne sur scène, c'était pas du tout prévu. Mais ça, c'est Didier. Il y a autre chose, peut-être que tu vas en parler après, mais aussi un concert des Vampas. Il m'a carrément invité sur scène pour chanter Je suis punk et je t'emmerde avec lui en entière. Bah, dis-nous, vas-y, explique. C'était où? Quand? Comment? C'était à Nancy, un festival que les Cunted Cunts organisaient, qui s'appelait le Cunted Fest, avec plein de groupes de punk rock, tête d'affiche les Vampas. Et moi je suis devant la scène, et puis entre deux chansons, Didier m'invite sur scène, moi et puis mes potes musiciens des Fomblards, évidemment. Enfin mes potes, mes anciens potes, parce que maintenant ils sont devenus cons. Ils ont un groupe de garage américain, ils se prennent pour des Américains, ça s'appelle Mascotte. Voilà, je leur fais un peu de publicité. Non, mais sans amertume, aucune, bien sûr. Enfin bref, qu'est-ce qu'on disait? Ben on parlait de Didier, ton rapport à lui, le fait que vous l'aviez invité au festival. C'était pas la première rencontre. De toute façon, tu l'as connu comment, Didier Vampas? Ce concert-là, il nous a invité à jouer Je suis punk et je t'emmerde. Il y a aussi une vidéo sur YouTube. Il suffit de taper Je suis punk et je t'emmerde, Didier Vampas, quoi. Et donc il y a une vidéo sur YouTube. Sinon moi je l'ai rencontré, en fait je suis fan des Vampas à la base, c'est ça qui m'a donné envie de faire du rock et de la scène. À 14 ans j'ai découvert les Vampas et je suis tombé dingue, c'était tout nouveau pour moi parce que jusqu'à maintenant j'en étais qu'à Renaud et Gainsbourg et Danny Desrues, quoi. Et tout à coup le punk et enfin l'énergie scénique est apparue dans ma vie et je me suis mis à faire pareil et puis ça a fait de moi ce que je suis. À propos de punk, Danny, toi aussi, j'ai envie de dire finalement, toi t'as commencé par le punk avec ton groupe les Matchies. Oui, parce que c'est quand même le punk, c'est quand même un peu une poubelle de table où tu peux mettre tous les groupes qui savent pas jouer, qui ont envie de dire bah, nous on fait du punk. C'est vrai. Et quand tu sais pas jouer, déjà tu démarres dans le punk, quoi. Et on était les Matchies avec mon frère à la basse et puis Jérôme Schneider qui était donc le... C'est marrant parce que les deux autres mecs du groupe, nous on est des fils ouvriers avec mon frère, mais les deux autres du groupe étaient des fils d'eux d'une certaine manière, c'est-à-dire des gens qui étaient un peu avisés, parce que Jérôme Schneider qui était donc, t'imagines, il avait 12-13 ans, il était pianoté comme un dieu quoi sur son clavier, il était impressionnant quoi, enfin il avait surtout des trucs un peu esthétique comme ça quoi, des trucs un peu de l'esrouf quoi, quand même de l'esrouf. Et en tout cas Jérôme était le fils du contrebassiste de Charles Lely sur le pêcheur Guy Schneider, Et le batteur, Ridge, c'est le fils de Patrice Birman, qui est un auteur de chansons françaises du début des années 70, je dirais, enfin, fin des années, de 68 à 72, le mec a écrit des chansons. Il a été parrainé par Brassens à la SACEM. Et en fait, c'est un putain d'auteur, quoi, Patrice. Et donc, on avait une connexion artistique, qui étions enfants de la balle grâce à ces deux familles-là, quoi. Et donc, les Matchistes, bah, c'est le groupe de mon adolescence, quoi. C'est mort le jour où je suis allé... Le jour où je suis allé jouer, de décembre 88, où je suis allé jouer dans les rues de Metz, le jour-là, je suis devenu Danny Desrues, si tu veux. Enfin, je m'appelais pas encore comme ça, mais voilà, c'est ça. Daniel S. s'est transformé en Danny Desrues, puisque c'était ça, hein, c'était ta volonté d'aller jouer dans la rue, de gagner ta vie comme ça. C'est-à-dire, je faisais mes petites emplettes de Noël à l'époque, et je vois un chanteur de rue qui s'appelle Bruno qui joue là, et il pleut des sous dans son étui. C'est-à-dire, je me dis donc, c'est un bon délire son affaire, quoi. Et après, avec les années, j'ai compris que le mois de décembre et surtout la semaine de Noël, c'est un peu particulier, quoi. C'est-à-dire, c'est quand même la meilleure semaine de l'année, évidemment. Et donc, on était allé boire un coup, il m'expliquait les rudimentaires de base du métier de busker, hein, de chanteur de rue. Et donc, du coup, il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, tu viens demain, parce que moi, je pars 3 mois, là, prends ma place. Et je suis venu le lendemain. Et l'après-midi, je me souviens, j'avais fait 100 balles, c'était 15 euros de l'époque, mais c'était une somme, quoi, à l'époque, il y a 30 ans, quoi. Et je me suis dit, dis donc, mais ça marche bien, ce bordel-là. Pour preuve, je le suis 30 ans après, quoi. Donc, voilà. Je n'ai jamais quitté mon métier de chanteur de rue. C'était en décembre 1988, et vous l'avez compris, Danny fêtera ses 30 ans de ce parcours musical en décembre prochain, et ça va être un super moment au Trinitaire à Metz, samedi 15 décembre. Alors moi, j'ai vu deux horaires, 20h ou 20h30. On vient à 20h ou même avant. Je crois avant. Que c'est, en fait, non, pour trancher, c'est ouverture des portes à 20h et spectacle à 20h30. Voilà. Et pareil, hein, on peut déjà réserver sa place. J'ai vu notamment via Digitik, hein, c'est toujours pratique d'avoir sa place en numérique. On se l'imprime ou sur le téléphone et puis c'est parti. Et alors, qu'est-ce qui va se passer ce 15 décembre au Trinitaire, hein, qui est un super endroit à Metz? Mais oui, alors il se trouve que il y a 5 ans, Jean-Serge Kuhn, producteur de spectacle, qui d'ailleurs organise les Francopholies de Luxembourg maintenant cette année pour la première fois, qui auront lieu le 7 et le 8. Septembre, là, à Esch-sur-Alzette. Jean-Serge Kuhn m'a proposé d'organiser la soirée des 25 ans de Danny Desrues, quoi. C'était une espèce de mi-temps. Moi, il se trouve que c'était une année où j'étais en arrêt maladie, j'avais des soucis de santé à l'époque. Et parce que j'ai eu je vais le dire, je m'en fous, j'ai eu un lymphome d'Hodgkin, qui est un cancer bénin, on va dire. C'est-à-dire, normalement, on n'en meurt pas, mais c'est juste une année de merde, quoi. Tu vois, un truc... mais ceci dit, au moment où Jean-Serge y décide ça, mon diagnostic n'est pas avéré. C'est-à-dire, on ne sait pas dans quel état je serai au mois de... Mais lui décide un peu comme un pari, quoi. Comme un truc un peu fou, je pense. Et puis peut-être pour me motiver à avoir la niaque et à préparer un truc pour être actif, quoi, quand même, dans une époque où on est plutôt passif par la force des choses. Et donc il m'a dit, bah tiens, on va organiser la soirée des 25 ans de Danny Desrues. Moi, je m'étais dit, ça sonnait bien comme ma mi-temps. Moi, je me vois bien faire 50 ans de Danny Desrues. Et le soir-là, me dire que c'était les 25 ans quasi jour pour jour de mon démarrage dans la rue, dans les rues de Metz. Donc je me suis dit, je vois ça comme une mi-temps. Et on en a un tel bon souvenir de cette soirée, qui était une formule particulière de mon spectacle Danny Desrues Mais au Chaud, dans le sens où j'avais pris les chansons par ordre chronologique dont elles étaient arrivées dans la vie des gens et dans la mienne, du coup, enfin, et je racontais mon histoire, mon parcours de chanteur de rue, de chanson en chanson comme ça. Le concert complet est sur YouTube d'ailleurs. Il a été, parce que ça c'est incroyable, c'est que t'imagines, il y a c'est une salle de 92 places, donc on va dire qu'il y a 9 personnes qui filment 3-4 chansons chacune comme ça, et qui les mettent sur YouTube le lendemain. Et on se rend compte qu'on a tout le concert, avec les parties parlées entre temps, on a l'intégralité du concert à quelque chose près. Il doit y avoir, parce qu'on avait la bande son, quoi, nous, du concert, mais on n'avait pas forcément les images, mais on avait matière à monter des clips, quoi, carrément, à faire comme un live que les gens peuvent regarder maintenant, de ce concert. Et donc, Et donc, je jouais ce spectacle et cette année pour du coup les 30 ans, on s'est dit qu'on allait remettre ça, quoi. C'est-à-dire au Trinitaire aussi, au même lieu, même endroit qu'il y a 5 ans, comme un rendez-vous bien sympathique, parce que le Trinitaire, comme chez Paulette ou comme Val d'Ajol ou le Gueulard à Nilvange, sont des lieux un peu mythiques, quoi, en Lorraine, quoi. Et donc, je suis ravi de revenir faire un tour à Metz où je ne joue mine de rien. Presque jamais. Je suis content de revenir faire un tour parce que c'est une belle histoire de 10 ans, mais c'est moi, quoi. Donc je suis quand même content, ne serait-ce qu'une fois par an, d'y rejouer, quoi. Voilà. On va écouter un titre, si tu veux, tu nous en parleras après. J'ai ouï dire que c'était un des premiers, sans doute pas le premier, mais quand même, au début. Il y a longtemps, loin d'ici, vivaient dans un pays des petits lutins joyeux, contents d'être teigneux. Ce sont nos petits schtroumpfs, ils sont bleus comme les schtroumpfs, nombreux comme les schtroumpfs, mais moins cool que les schtroumpfs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la. Dans leur hôtel de Guignol, y a pas beaucoup d'alcool. Alors ils sont tous dehors, plus qu'ils sont libres, plus qu'ils sont forts. Ils nous inspirent la haine, on veut les mettre à la poubelle. Dans notre pays des merveilles, on aimerait bien Gargamel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Bien avant mes 68, ils étaient déjà dans les manies, avaient leurs bombes, leurs tumouches, avaient des flingues, des cartouches. Dans notre belle société, s'il y a une triste vérité, c'est que l'homme a le droit de parler, mais le schtroumpf a le droit de taper. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Il y a aussi un grand schtroumpf qui parfois se fâche tout rouge quand la journée n'est pas valable. Quand ils ont tué camarade, on va considérer comme dingue un type qui se balade avec un flingue. Ceux qui le font parmi nous, ben c'est quand même surtout les schtroumpfs. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Le point commun des mortels, c'est d'avoir des copains fidèles. Les schtroumpfs sont d'ailleurs assez fiers d'avoir comme potes les schtroumpfs verts. Ensemble ils vont détruire le monde avec des flingues, des bombes. Ils feront la fête le soir même, à moins qu'on trouve un Gargamel. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Schtroumpf, Danny Déru, c'était extrait de l'album Le Retour de Rémi Vinacci, mais alors il y en a eu plusieurs versions, hein. Ça c'est pas la première. Exactement, elle est de 2009 celle-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la première version des Schtroumpfs? Et puis je le disais, hein, c'est un de tes premiers morceaux. Oui, sauf que c'est une. J'ai écrit ce titre en septembre 89, je devais être en octobre, novembre 89, je devais être à Strasbourg. Ce qui est amusant, c'est que j'ai retrouvé 20 ans après la fille chez qui j'ai écrit cette chanson, qui est une des plus emblématiques là quand même de mon répertoire. Et je lui ai dit 20 ans après, par la magie de Facebook, tu sais, on retrouve tout le monde. Et j'ai retrouvé Sophie et je lui ai dit, tu sais quoi, j'ai écrit dans ta piole d'étudiante à Strasbourg, une des chansons qui s'avère être une des plus emblématiques de mon répertoire. Et elle m'a dit, ça s'appelle comment? Et je lui ai dit, Schtroumpf. Et elle m'a dit, mais tu sais quoi, ma piole de l'époque, c'est délirant. Ma piole de l'époque, elle était bleu turquoise, si tu te rappelles, et tout le monde l'appelait la Schtroumpfette. La sapiole. Et donc j'ai écrit les Schtroumpfs dans une piole qui s'appelait la Schtroumpfette. C'est assez amusant. Et t'étais contre les flics en 89? Voilà, c'était un peu. C'est-à-dire, ça marchait bien dans la rue. Je jouais près de la cathédrale à Strasbourg. Et ça marchait bien. Et il y a un Schtroumpf qui est venu me voir, justement, et qui m'a viré, qui m'a dit, non, non, vous ne jouez pas là. C'est quoi ce bordel? Non, non. Et de rage, j'ai écrit un peu cette chanson. Bon, après, c'est une chanson humoristique quand même, quoi. Hein. Voilà, t'étais jeune, c'est normal. Depuis, j'ai embrassé des flics comme Renaud. Donc, voilà. Voilà. Quand en 88, tu as commencé à jouer les chansons dans la rue, c'était déjà les tiennes? Tu avais déjà tes propres compos? Bah, j'avais les chansons des Matchies que je jouais dans la rue avec quelques reprises, parce que franchement, j'ai plus ou moins appris à jouer de la guitare dans la rue, hein, quand même. Hein. Faut dire ce qui est, j'avais deux accords, le mi mineur et le ré, qui correspondent à un album de Renaud, et c'est tant mieux. Et mais sinon, j'avais une dizaine de compos et une dizaine de reprises aussi que je jouais le premier jour dans la rue. Ça devait être ça toute la journée. Et puis donc de fil en aiguille, j'ai écrit de nouvelles chansons à peu près tous les mois. Hein, j'en écrivais une et tous les mois j'apprenais une nouvelle, j'apprenais une reprise. Quand il y a un mec qui vient te voir devant et qui te dit si tu me joues Hélène Rock Voisine, je te donne 50 balles. Eh ben le gars, tu lui joues Hélène Rock Voisine, tu vois. C'est aussi simple que ça la rue. Et même si tu la connais pas deux secondes avant. Pourquoi assez rapidement tu as voulu te détacher des reprises et vraiment chanter que de ton répertoire? C'était important pour toi, c'était s'exprimer avant toute chose? Ben moi je j'écris tout le temps, j'écris des histoires, des nouvelles, des articles, des billets sur internet, des chansons. J'ai envie de faire, j'ai fait un film en 95 qui s'appelle Les Archies, et disons que j'étais pas très habile pour la, peut-être pour le développement économique de ces choses-là, pour qu'on puisse vivre de cette affaire-là, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, c'est de vivre de ce qu'on fait. Et autant j'arrive à faire ça avec des disques, mais autant un film, du fait que j'avais pas gagné d'argent avec, j'en avais même perdu pour tout dire, ça donnait pas envie de continuer là-dedans, quoi. Mais bon, si j'étais avec le savoir que j'ai peut-être maintenant, si je me retrouvais à l'instant là, peut-être que je serais plus habile pour faire fructifier les choses. Mais oui, moi je suis auteur et je suis très peu interprète, je trouve. Je suis pas. Hier, je voyais un artiste vosgien qui s'appelle Calou. Qui C'est, alors écoute, je mets une petite parenthèse, hein, parce que c'est un habitué des lieux, hein, je suis depuis le début, il vient ici assez souvent. Mais oui, il fait beaucoup de reprises, et en l'occurrence quand il joue ses trucs, quand il joue une reprise, lui il a tendance à la magnifier et à la mettre à sa sauce personnelle. Donc il est interprète, Calou, je trouve. Moi je suis pas forcément interprète, je suis plus un auteur qui joue comme Bob Dylan et interprète ses chansons. Mais Bob Dylan, on va pas lui demander de jouer des reprises de grâce, non, quoi, qu'il ne fasse pas ça, quoi. Ouais. Et ce que tu dis là aussi, j'en profite pour saluer Calou, et c'est vrai que je le chambre assez souvent, et ça rejoint un petit peu ce que tu viens de dire. Je lui dis, tu sais pas te vendre. Et souvent, les artistes, c'est ça, c'est qu'ils mettent toute leur énergie dans ce qu'ils font, dans la création, et ils ne veulent pas ou ne savent pas perdre des plumes dans l'aspect commercial, mais à un moment, faut aussi, je dirais. C'est-à-dire, c'est un métier de. C'est alors déjà la musique, c'est un métier difficile, même si c'est pas difficile et que c'est pas un métier. Mais disons quand on dit on est artisan, j'ai envie de dire on est artisan dans le sens où on est artiste et commerçant. Et il faut pas oublier l'un ou l'autre parce qu'on est mort, hein, en principe. Ou alors on est un génie et donc on est porté par la passion des autres. Ou alors, oui, on doit combiner un peu. On doit se rendre compte qu'on a un savoir-faire pour tel ou tel exercice, qu'on peut peut-être, sans que ça soit désagréable à faire, s'engouffrer dans certaines voies où on peut gagner notre vie avec. Donc, on a des activités un peu de compromis. Moi, je me rends compte que j'ai ça pas. Alors, j'ai ça scéniquement, le compromis. Scéniquement, dès que je vais jouer devant les gens. Par contre, je l'ai pas sur mes disques, parce que on écoutait avec Tony encore hier et ce matin dans la voiture un album que j'ai fait en 2011 qui s'appelle J'ai grandi en rêvant. C'est un deux titres. Donc le premier il dure 4 minutes, mais le deuxième il dure 63 minutes. C'est une histoire de 63 minutes comme ça que j'ai fait en. C'est pas commercial, quoi. C'est vraiment un kiff perso que j'ai eu de faire ça, que j'avais envie de le faire et que j'avais envie de le porter comme ça. Mais c'est pas. Mes albums, ils sont pas formatés, quoi. Ils sont pas. Je fais plutôt les trucs que j'ai envie de faire. Par contre, je crois que j'ai plus une attitude un peu, un peu commerçante dans l'exercice scénique, quoi. C'est-à-dire quand je sors de chez moi. Ouais. Tu nous as raconté le début dans la rue avec cette rencontre avec ce SDF. Enfin, c'était un SDF. Non, c'était pas un SDF. Non, c'était quelqu'un juste qui jouait dans la rue. Mais le vrai déclic avec la musique avant ça, c'était quoi? Alors, est-ce qu'il y avait quelqu'un chez toi qui jouait d'un instrument? Non, mais moi, j'ai pas de. Alors, au départ, je faisais de la bande dessinée, moi, et même avant la bande dessinée, du dessin tout court, avant d'aller à l'école et de savoir écrire. Et l'été, donc c'était l'été 77 quand je suis à l'école, quand je sors du cours préparatoire, que je sais écrire, j'écris mes premières histoires. Enfin, j'écrivais des nouvelles, des histoires comme ça en bande dessinée. Et 83, tu parles de déclic, ça doit être à la fois Renault et téléphone. Simultanément, Manu de Renault et Cendrillon de téléphone. C'était ces deux titres-là qui sont arrivés un peu, je me suis pris dans la gueule au même moment, qui m'ont donné envie d'écrire des chansons, quoi, je crois. Et de monter les matches et d'être sur le créneau de la chanson. Mais moi, j'ai aussi des envies de comédie. J'aimerais écrire une pièce de théâtre. J'aimerais jouer une pièce de théâtre. J'aimerais faire des films, des choses comme ça. Je me sens pas chanteur, hein. C'est un point commun que vous avez, hein, Tony et toi, c'est que vous êtes vraiment polyvalent. Vous aimez tout ça, tout ce que tu viens de dire là. Parenthèse, hein, par rapport au dessin, on retrouve d'ailleurs souvent des illustrations sur les pochettes de tes albums, notamment Charlélie Couture, hein, qui a illustré pour toi. Oui. On y reviendra, si vous le voulez. Mais oui. Et on parlait des archis. Alors, c'était sacrément osé, hein, pour l'époque. 95. Dany raconte les archis, c'est ton premier album? C'est un premier CD. J'ai fait 4 cassettes avant, mais c'est le premier CD qui est sorti. Un album concept? Ouais. Donc ça raconte une histoire, hein, c'est ça le principe. Et t'as poussé le bouchon Maurice jusqu'à sortir en film. Ouais, c'est ça, il est sur YouTube. Mais oui, et j'en profite, hein, pour dire, je le disais en tout début d'émission, si vous avez envie de ponctuer ce qu'on dit par des images, de voir concrètement ce dont on parle, bah, vous tapez, que ça soit d'une part Dany Desrues, de l'autre part Tony Fomblard. Enfin, c'est une image, vous n'allez pas nous taper réellement. Vous tapez sur votre... voilà. Bon. Dans votre moteur de recherche, et vous verrez que, alors là, vous en avez pour des jours et des jours, parce qu'il y a matière, que ça soit page Facebook, site, chaîne YouTube, énormément fourni, et puis la musique, hein, de Tony est accessible en téléchargement gratuit et écoute chez Jamendo Music, mais on en parlera à propos de tout ça, des débuts de Dany et de Tony. Ce qu'il y a, c'est que et les archis d'ailleurs, Dany raconte les archis, sur cet album film également, il y avait un morceau qui s'appelle Charlemagne, il me semble. D'ailleurs, tout à l'heure, tu parlais de cathédrale, Dany. Et je crois que le monsieur ici présent, Tony Fomblard, a fait une sacrée surprise en reprenant Charlemagne. On écoutera, ou tu veux en dire un mot? Tu veux dire quelque chose? Tu parles à qui? Tu parles à Tony ou à moi? Je parle aux deux, puisque c'est Tony qui l'a repris et c'est ton titre, voilà, Charlemagne. En fait, Tony, c'est vraiment... j'étais le vilain petit canard ou connard, comme tu veux, à Metz, parce que je suis un peu isolé, et un jour je l'ai rencontré, et je sais qu'il est un des miens, quoi. C'est-à-dire, on est dans une planète artistique commune, lui et moi. Si on veut être précis, je dirais plus, je suis plus un Lennon et lui un McCartney dans notre famille à nous. Mais c'est vrai qu'il a quelque chose de l'ordre d'un des fils spirituels, j'ai envie de dire, parce qu'il a 27 ans, bientôt 27 ans, et que moi j'en ai 48, donc il peut être mon fils, Tony. Mais et je le reconnais à fond comme tel, parce qu'il écrit des albums il écrit 4 albums par an. Enfin, moi, je faisais des albums à un moment donné, j'en faisais 2 par an, mais de 33 titres, quoi. Donc on a vraiment des démarches assez communes comme ça. Et donc le fait qu'il ait eu l'idée de reprendre Charlemagne, c'est drôle parce que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'avais eu, je me souviens d'une fête de la musique 94 à Metz, où j'avais une cassette à l'époque qui s'appelait Amour et Humour, qui était guitare, chant et violon, de 8 chansons, et qu'un mec avait joué cette cassette-là devant la NPE Taison à Metz. Il jouait mon album le soir de la fête de la musique, et 3 ans après... Il y avait un autre gars, c'était le Nikos Bar enfin Am Souvasberg, voilà. À Am Souvasberg, le Nikos Bar, qui un bar qui et un gars avait joué les Archies. Donc toujours fait de la musique comme ça. Et pareil, après c'était la chanson des Gammes qui avait été reprise. Mais tout ça nous ramenait 20 ans avant, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça a commencé à dater. Je me disais, mais dis donc, Dany, tes nouvelles chansons, plus personne n'en veut parce que tu n'es plus repris depuis Belle Lurette et tu connaissais quelque chose dans les années 90 et que tu connais plus maintenant. Et Tony a repris deux chansons à moi qu'il a enregistré. Il a enregistré donc Charlemagne des Archies, effectivement. Et il a repris à son compte Vie de rêve, de l'album des Salopettes Acoustiques, mais qu'il a réorchestré et qui chante lui-même, donc une chanson 100% à moi, mais qu'il a repris sur un de ses derniers albums. Donc là, moi, je me sens complètement flatté comme ça quand on reprend. C'est quelque chose de, c'est l'aboutissement d'une chanson, parce que c'est pas le tout que t'es ton pote qui te dise elle est sympa ta chanson. Si en plus on vient de voir, par exemple, on te demande c'est quoi les accords de ta chanson, là ça veut dire que le gars il veut la jouer, et ça c'est peut-être plus un aboutissement quand on a envie de jouer tes chansons, quoi. Donc là ça me fait très plaisir que Tony me reprenne mes chansons. J'ai repris cette chanson que nous allons entendre, Charlemagne, parce qu'elle est rock. Hein, voilà, il a vraiment la voix de, à l'époque il avait la voix de Louis Bertignac, je trouve. Je sais pas laquelle on va entendre là, la mienne ou la sienne. Ah, la tienne. La mienne, d'accord. Bon bah, en tout cas, c'est une chanson très rock et orchestrée d'ailleurs, arrangée et réalisée par Vincent du groupe PKRK. Ouais. Et ce que je peux dire pour conclure, c'est que Tony a poursuivi le mimétisme jusqu'à copier-coller le clip, c'est-à-dire il y a le clip de Charlemagne, ma version est trouvable sur YouTube, il y a pas de problème, et dans les Archies d'ailleurs, mais extraites aussi, on peut le retrouver. En tapant Dany Desrues Charlemagne, on trouve ça. Mais Tony a du coup reproduit ce clip à sa manière. Hein. Il y a quand même des singularités, mais le clip, ouais. Il a refait le clip dans la salle de classe, comme celui que j'ai fait pour Charlemagne. Donc, on peut comparer les deux. Hein, tu le disais, oui. Dany, le tien sur ta chaîne, voilà. YouTube, Dany Desrues, et celui de Tony sur la chaîne YouTube de Tony Fromblard. Le même. Juste fou, le quoi. Même, trop cool. D'ailleurs, il faut que je le mette sur ma chaîne aussi, le sien. Oui, qu'on puisse, ça soit plus facile pour comparer, parce que là, il faut aller une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Ouais, mais c'est bien simple. Les gens ont des doigts, c'est pour s'en servir sur le clavier. Et Dany, ça tombe bien, en plus, tu parlais de cathédrale, tout est réuni. Ah, le sacré Charlemagne. J'en te parle souvent des métiers de l'armée, mais ce qu'il y a avant, ils l'ont oublié. Parce que leur cerveau, on leur a lavé. Dans certains cas, on leur a même enlevé. Mais se mettre dans le rang, ça prend pas à l'armée. Le doigt en l'air pour parler, ça prend pas à l'armée. C'est bien avant qu'on te l'apprend. Ouais, dès que t'as environ 6 ans. Charlemagne avait bu trop d'alcool. Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne délirait comme un fou pour foutre des gosses au garde à vous. L'enfant à la naissance conjugue le plus que parfait. Pourvu d'ignorance, de fragilité. Le monde moderne les catapulte dans le maniérisme des adultes. C'est pas à l'usine que t'apprends à pointer. Ni à taffer sans penser. C'est bien avant qu'on t'y oblige. Dès que t'as environ 6 piges. Charlemagne a inventé les cours. Actuelle bagne, actuel recours. Mais avons-nous de meilleures leçons que dans les cours de récréation? d'apprendre, de travailler. Mais tout ça à mon rythme et sans examen de fin d'année. Charlemagne avait bu trop d'alcool. Charlemagne a inventé l'école. Charlemagne délirait comme un fou pour foutre des gosses au garde à vous. Oh, Charlemagne a inventé les cours. Actuel bagne, actuel recours. Mais avons-nous de meilleures leçons que dans les cours de récréation? Cette chanson vaut bien 0 sur 10. Mais cette chanson a le mérite d'être gratuite. Cette chanson est tout ce qu'il y a de plus laïque. Sans obligation, cependant critique. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Charlemagne par Tony Fomblard, c'est un titre de Danny Desrues, et ça tombe bien, ils sont là tous les deux. On a expliqué hein, le pourquoi de la reprise de Tony, enfin la reprise par Tony plutôt de ce titre de Danny. Danny, on l'expliquait, hein, ça c'était au tout début, Charlemagne, c'était dans Danny raconte les archis. Tu nous as expliqué un peu comment tu as commencé la musique. Et toi alors, Tony, je parlais tout à l'heure de batterie. Ça a été ton premier instrument, ton rapport à la musique, ça a débuté comment? Bah en fait, oui, mais je pense pas que c'est un rapport à la musique. Avec le recul, en grandissant, je me dis, quand on est petit, on aime bien taper sur des choses. Et quand j'étais petit, j'aimais bien prendre des baguettes et je tapais partout. Mon père m'avait acheté une batterie et j'étais fan de Queen. Voilà. Donc je faisais du Queen à la batterie. Mais bon, je pense pas que c'est un rapport à la musique, en fait. Ma mère a voulu ensuite m'inscrire au cours de batterie dans mon petit village. Et puis devant, j'ai eu peur, j'ai pleuré. Et puis j'ai pas été au cours de batterie. J'avais 5 ans. Si j'étais entré dans cet MJC pour faire des cours de batterie, j'en serais où en ce moment? Si ça se trouve, je serais qu'un vulgaire batteur. T'imagines? Je me pose souvent ce genre de questions. Heureusement que j'ai pleuré ce jour-là. Mais vulgaire batteur, c'est pas un euphémisme, je veux dire. Ouais, j'aurais pu dire batteur, oui. Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Mais bon, non, on plaisante hein, pour les batteurs. Vous allez recevoir des courriers des syndicats de batteurs et tout. Ouais, surtout que votre comparse des salopettes acoustiques, Arnaud Camprenon, qui est, il est percussionniste avec vous et batteur de toute façon. Non, il était. Il est plus dans le groupe. Plus. Ouais, ouais. Ouais. Parce que je me suis engueulé avec un pote à lui, le bassiste de PKRK. Faut bien qu'on t'apprenne des trucs quand même. Non, il est, voilà. Non, il est plus dans le groupe, mais on n'avait pas des masses pour lui parce que les salopettes, mine de rien, ça joue beaucoup en duo. Alors finalement, j'ai joué beaucoup avec Maud ou Tony tout seul, mais pas en trio ou quatuor. On a fait récemment une date en trio. On espère que le trio se développera. Mais pour l'heure, c'est souvent un duo, quoi. Maud Geoffroy, clarinettiste, violoncelliste, qui est avec vous parfois, qui sera pas là ce soir du côté de Gérard Mé au camping des Myrtilles à 20h, c'est 102 chemin des Barrues, si vous voulez aller voir Dany et Tony pour les salopettes acoustiques. Non mais elle sera pas là. Elle sera pas là, Maud, ouais, à la piscine. Et toi, voilà. Toi, alors la suite, alors après la batterie, comment tu es? Parce qu'on le dit aujourd'hui, tu joues de tous les instruments, que ça soit de la basse, on verra tout à l'heure en direct, tu as ta basse acoustique avec toi, que ça soit de la guitare, que ça soit le chant, la voix est un instrument également, le clavier, on verra aussi dans tes albums solo, tu adores le clavier, il y a que du clavier dans les albums solo. Le synthé, bon, tant pis, bien pourri, bien kitsch. Ça, c'est vraiment ma cam, ouais. Comment j'ai continué après, avec Renaud, je me suis mis à écrire des chansons pour faire comme lui. Mais c'est comme Danny, À 11 ans, ouais, en un peu plus jeune. Bah oui, parce que Danny disait 48 ans, toi 26, bientôt. Non, 26, 20, bientôt 25. Bientôt 25, 27, j'ai bientôt mourir. C'est l'âge où les artistes meurent. 20 ans d'écart et un parallèle dans vos parcours, c'est pour ça que vous vous retrouvez aujourd'hui, il y a une logique. Ouais. Vas-y, continue, je vais encore faire cueillir. J'ai enregistré des cassettes, je remplissais des CD gravés de 80 minutes de mes chansons. Quand Internet est apparu, je les ai foutus sur Internet. Et maintenant, il y en a 40 ou 45, dont 10 qui sont chez moi parce que c'est des cassettes et je peux pas les mettre sur Internet. Et j'adore composer des chansons pour raconter tout ce qui me passe par la tête et ma vie. C'est ça, pour éviter le psychologue, parce que j'ai pas assez de sous. Ta vie, tu l'as transcrit en musique et également en images. On peut voir des clips. Alors, les clips musicaux, on l'a compris, mais pas que, des documentaires, faux documentaires, courts-métrages, longs-métrages, sur tout ça sur la chaîne YouTube de Tony Fomblard. Ouais, j'ai pas trop fait de courts-métrages, moi, parce qu'il faut quand même une certaine patience pour être réalisateur. Et c'est quand même une patience que j'ai pas, je suis plutôt dans le brut, moi. J'ai tourné dans des bons films, mais c'était des films de Mathieu Costa, le réalisateur connu. C'est pas des films de moi, des bons films où j'ai tourné. C'était quoi, les films? Le Maquis du Dimanche, Josine et Basine contre la tuberculose. Maurice, voilà, quelques pointures du 7e art, comme ça, que vous pouvez trouver sur YouTube. Voilà. De mon pote Mathieu Costa, c'est un pote à moi qui est d'extrême gauche, mais enfin c'est pas grave, c'est pas la question. Il est très gentil et il réalise des bons films. Allez voir sa chaîne YouTube. Déjà, il a 72 likes, j'imagine, le mec très connu à mon avis. C'est genre que... c'est fait exprès, ouais. Je dis ça. Par rapport, donc on le disait, la musique, on a plus de 40 albums, c'est 4 albums par an pour toi. C'est ça à peu près, 4 ou 5 albums par an. Et ce qui est plutôt pas mal, et ça peut peut-être un conseil, mais en tout cas une idée pour ceux qui écoutent, qui sont musiciens, il y a cette plateforme qui s'appelle Jamendo Music. Ouais, il y a aussi Bandcamp. C'est bien connu, mais c'est vrai que Bandcamp. Ah oui, on peut aussi télécharger sur Bandcamp. Non, mais je veux dire, il y a d'autres plateformes. Jamendo, en fait, c'était parce que c'était un peu à la mode quand j'ai commencé à mettre des albums sur Internet il y a 10 ans. Mais maintenant, Jamendo, plus personne s'y fourvoie. C'est un peu de la daube. Maintenant, les gens se dirigent plus vers Bandcamp, justement. Ah bah moi, je connaissais Bandcamp, mais c'est vrai que c'était la première fois. J'avais jamais fait gaffe Jamendo parce que Bandcamp, oui, on peut en streaming, mais également télécharger les morceaux gratuitement. Ouais, Jamendo aussi, on mais peut faire ça. Mais payer aussi sur Bandcamp, on peut aussi payer. Voilà, ouais. Le problème avec Jamendo, c'est que ça n'inclut aucun droit d'auteur. Il y a rien de tout ça. C'est en licence libre, tout ça. Et bon, c'était un peu à la mode il y a 10 ans. C'est pour ça que j'y étais. Et maintenant, bon, il y a 40 albums, alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'y reste, hein. Je vais pas foutre 40 albums sur un autre site, ce serait trop de boulot. Quand on parlait du fait que t'aimes bien aussi la vidéo, t'as fait des études dans ce sens? Ah bah oui. Ah là là, oh mais il sait tout, alors on va s'étonner comme ça. Alors il sait tout, mais comment il sait? Non, c'est vrai, comment il sait? Sur Internet, mais je vous le dis à chaque fois. Hein, j'ai pas écrit mes études sur Internet. Tu m'espionnes, ça fait 15 ans que t'es dans ma vie. Ouais, à chaque fois on me dit ça, Big Brother, c'est moi. Ok, bon. Voilà, j'ai fait 4 ans de fac en art du spectacle. Voilà, parce que j'avais des cheveux longs, de la barbe, et que du coup, je savais pas où aller. On m'a dit, t'as des cheveux longs, de la barbe, tu peux faire art du spectacle. Et alors, j'étais avec plein de gens comme moi. Ça t'a appris des choses, c'était où? À Metz. Ah oui. À Metz, à la fac de Metz, tout simplement. C'est théorique, hein, ça m'a appris des choses. Mais t'en as retenu quand même, tu t'en sers aujourd'hui dans ton parcours artistique? Ouais. Bah ça m'a appris déjà à aimer le cinéma, donc dans mon parcours personnel, ça m'a une vraie passion du cinéma, bouffer du film à l'appel et vraiment tout ce qui vient. Donc ça m'a appris ça. Et puis dans mon parcours personnel, ouais, pour faire les clips, il y a quelques, c'est-à-dire je me mets sur un canapé, je ferme les yeux et puis je me fais tout le clip dans ma tête, je rouvre les yeux et le clip il est fait. J'ai plus qu'à le tourner. Et les références cinématographiques peuvent intervenir dans tes chansons. Ça arrive. Oui. Oui. Ça peut arriver comme ça, mine de rien, d'un coup, quand on le demande. Dans une Pologne oubliée, la belle Varsovie enneigée, ton doux visage irrité. Partout l'alcool ingéré, de patates à 30 degrés, de salade au bourrachki. Krishka, mon amour, tes yeux galactiques. Krishka, tous les jours, tu étais alcoolique. Même Lino Ventura le disait, et même Bernard Blier, et même tous les acteurs. Tu n'es qu'un mauvais second rôle des tontons flingueurs. Tu t'es toujours un peu prise pour la plus belle des divas devant ta bouteille de vodka. Parfois même près des blocs, tout gris des jours de malchance, tu imites Francis Blanche. Ton sourire cynique, Krishka, tous les jours, tu étais alcoolique. Même Lino Ventura le disait, et même Bernard Blier, et même les sénateurs. Tu n'es qu'un mauvais second rôle des tontons flingueurs. Tony Fomblard est là avec Danny Desrues. Tony, quel est... Alors, le titre, c'est Les Tontons Flingueurs et le nom du groupe. Yeah, Lorelai Invincible. Je me demandais si on le disait en français ou en anglais. Non, c'est en français. Alors, j'aurais bien dit Invincible, comme je prononce tellement mal l'anglais que moi, je vais quand même mettre de l'anglais. Je sais pas pourquoi, je suis un peu maso. C'est, en fait, c'est parce que je suis obligé de chanter en groupe. Du coup, quand mon groupe, les Fomblard, c'est 10 sous, et 10 sous, c'est pas cher, et ben, j'ai fondé Lorelai Invincible. C'est juste la suite, en fait. Voilà, avec d'autres musiciens. Voilà. Et c'est ce qu'on disait précédemment, ce titre ça ramène à tes références cinématographiques. Ouais, en fait, ouais, je sais pas pourquoi cette idée de titre sur la Pologne, du coup de la Pologne, on est parti à l'alcool, tonton flingueur, tout ça. Je sais plus pourquoi, je sais plus. Voilà. En tout cas, c'est enregistré chez mon pote Ben, chez lui, Ben Schwan, à Paris. Voilà. Je voulais juste, je sais qu'il écoute l'émission, donc je voulais lui faire un petit bisou parce que vraiment, c'est bien enregistré pour de l'amateur, quoi. Alors, ne vous inquiétez pas, contrairement aux 25 ans de carrière musicale de Danny, où tu nous le disais, au Trinitaire à Metz, c'était chronologique. On voyait, on parcourait ta discographie comme ça, des débuts jusqu'à alors, maintenant. Et là, ça sera aussi le cas pour les 30 ans, au mois de décembre. Tu feras aussi ça de manière chronologique? Je dis rien pour ce que je vais faire le soir des 30 ans. Le 15 décembre, allez, dis-nous. À Metz. Voilà, vous pouvez déjà réserver, c'est les 30 ans. Je ne le dis pas encore parce que j'ai une idée, mais elle n'est pas encore, forcément arrêtée. Mais j'ai une idée de ce que j'ai envie de faire, mais je ne le dis pas. Et alors, si je disais ça, c'était parce que là, pour le coup, cette émission, ce n'est pas du tout chronologique. Hein, vous allez voir, on remet... C'est un puzzle. Hein, ensuite, on emboîterait les pièces. En tout cas, c'est toujours les deux mêmes personnes. Et si vous avez envie de suivre tous les projets de Tony, c'est simple. Hein, vous tapez dans votre moteur de recherche Tony Fomblard, Tony, vous saurez l'écrire. T-O-N-Y, Fomblard, F-O-M-B-L-A-R-D. Et ce n'est pas ton nom, hein, je le disais tout à l'heure, ton nom de famille c'est Steri. C'est Steri, voilà, je suis d'origine italienne. Et pourquoi Fomblard? C'est un mot, Fomblard. C'est un mot dans le sud, ouais, ça veut dire un fêtard. Un fêtard, quelqu'un qui dort pas beaucoup, ouais. Ah, moi j'ai cru que c'était un blaireau. Un blaireau, un crâneur aussi, ouais. Il y a plusieurs selon les villages du sud en fait. Donc c'était comme une évidence quand tu as monté ton premier groupe? Non, c'est même pas moi qui ai trouvé le nom, on cherchait un nom de groupe qui faisait franchouillard parce qu'il y en avait marre des trucs, des noms de groupe américains de Lorraine quoi, Walk of the Death, Dead Moon, je sais pas quoi, il y en avait marre sur toutes les affiches, donc on cherchait un truc genre les Charlots. Tu vois, un truc qui ressemblait les Charlots, ouais. Un truc bien franchouillard. Un pote a dit les Fomblards. Et puis on s'est dit ouais, ça c'est vraiment franchouillard. On va prendre ça. Et c'est tout. J'ai gardé le nom, Tony Fomblard. Pour toi, Danny, c'était plus simple. On le disait, hein, toi, comme tu allais jouer dans la rue, tu t'es dit Danny des rues, ça sonne bien. Et puis c'est moi. Mais oui, parce que je me suis longtemps appelé Danny tout court. Mais les années 90, je m'appelais juste Danny simplement. Et au début des années 2000, il y a eu le retour de la chanteuse Dani comme un boomerang, c'est le cas de le dire, parce que c'était un duo avec Dao. Et comme j'étais dans l'officiel du rock et pas elle, on m'appelait toutes les semaines pour elle, pour ses affaires et pour ces histoires-là. Donc je me suis dit que ça devait déranger plus l'un que l'autre, cette affaire-là qui en avait deux sur la place. Et je me suis dit, il faut que tu avises en te trouvant un patronyme, un nom de famille. J'allais pas prendre Daniel S parce que Ça faisait brutal de changer de nom comme ça. Et je me disais qu'ajouter des rues, au moins les gens voyaient tout de suite de qui on parlait, parce que j'étais le chanteur de rue de toute manière, quoi. Donc voilà, c'est devenu Danny des rues. Puis il y a un petit côté Robin des Bois que j'aime bien. Ah, on a entendu une musique qui allait se lancer là, mais ne vous inquiétez pas, elle va pas tarder à arriver. Il n'y a pas un côté qui te fait peur, du coup, dans le fait de t'appeler des rues, c'est le fait que tu puisses plus en sortir, du coup. Danny des rues. Si, c'est pour ça que mon spectacle s'appelle Danny des rues se met au chaud. C'est parce que justement il fallait trouver une pirouette à un moment donné. C'est vrai que c'est compliqué de s'appeler Danny des rues parce que du coup les gens vont m'étiqueter et se dire bah on va pas le voir en spectacle, le mec il est juste le mec de la rue quoi. Ouais, voilà, déjà beaucoup se le disent, je pense. Donc voilà, donc je suis cantonné, enfin étiqueté chanteur de rue. Maintenant la parade avec ce spectacle qui s'appelle Danny des rues se met au chaud, c'est de se dire oui, on sait que c'est le mec qui joue dans la rue. Mais là, il se met en scène, il est sur scène, et donc ce coup-là, on peut peut-être aller le voir, quoi. Voilà. Et encore une fois, hein, tu aimes jouer avec les mots, c'en est un, se met au chaud. C'est le gars, donc qui joue dans la rue, qui vient se mettre au chaud. C'est H A U D, sauf que toi, tu l'écris C H O W, le show, le spectacle. S H O W. Excellent. Je suis nul en orthographe. On vient l'entendre, mais tu ne signes pas d'autographe, non? Enfin, je sais pas. En orthographe. Ouais, oui, voilà. Je suis dyslexique en plus. Ah mais on le disait, hein, c'est la chance parce que j'ai donné généreusement mon ventilateur et je ne pouvais vivre sans lui. Non, c'est bien. Puis t'es gentil, t'es beau en plus. Ah oui, mais ça les gens ne peuvent pas assister. Et l'animateur est beau. Voilà. Bon, t'as trois mots de vocabulaire, mais t'es plutôt beau gosse. Donc ça, voilà. Ah ben ça fait plaisir, moi qui allais te faire un compliment, par exemple te dire que quand on parlait de Danny des rues, la transformation en tout cas dans le nom à partir de début des années 2000, le premier album c'était Restaurant Volonté. C'est celui-là, c'est le premier album où je m'appelle Danny des rues. Ouais. Moi c'est le premier où je t'ai découvert et notamment il y avait les titres, hein, je l'ai passé en boucle, il y avait une jolie chanson pour ta fille Lison. Ouais, Mamselle Lison, ouais. On va pas l'écouter. Bon. Mais celui qui me plaisait bien, je sais pas, il y avait un côté James Dean, tu vois, ou ah à oui. L'inverse. Mourir vieux, c'est ça. Ouais, ben vas-y, hein, tu peux le passer. C'est pour pas mourir vieux. Je roule sans capote. C'est pour pas mourir vieux. Je roule sans cravate, sans frein, sans permis, sans essuie-glace, sans glace, sans toit, sans essence, sans assurance. Quoique, c'est pour pas mourir vieux. Je double les routiers. C'est pour pas mourir vieux. Gare aux filles à marée. C'est pour pas mourir vieux. Je les prends à sens inverse. C'est pour pas mourir vieux. Les autoroutes de sens à Anvers. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. c'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. Que je travaille pas. C'est pour pas mourir vieux. Que je cotise pas. C'est pour pas mourir vieux. Que je roule à gauche. C'est pour pas mourir vieux. Que je ne vote pas. C'est pour pas mourir vieux. Que j'aime la techno. C'est pour pas mourir vieux. Que j'aime la moto. C'est pour pas mourir vieux. Que je me tire de là. C'est pour pas mourir vieux. Que je me tire la peau. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. C'est pour pas mourir vieux. Je mange au grand M. J'y mange de la grosse M. C'est pour pas mourir vieux. Je mange là où James Dean. C'est pour pas mourir vieux. Va connaître la famine. C'est pour pas mourir vieux. Et pas quelqu'un d'autre. C'est pour pas mourir vieux. Je resterai idiot. C'est pour pas mourir vieux. Toujours que ça soit bien. C'est pour pas mourir vieux. Je veux pas connaître la fin. Ah bah c'est la fin, vous la connaissez, Mourir vieux, Dany Desrues. Dany, oui. Est-ce qu'on dit tout ou pas? Est-ce qu'on joue? Est-ce qu'on dit tout ou pas? Bah vas-y, dis est-ce tout. Que je raconte ma vie, à savoir que justement, comme je disais, hein, je t'ai découvert avec cet album. À l'époque, j'étais à Radio des Ballons, ça remonte à 15 ans, et je sais que tu avais une émission prévue là-bas, l'après-midi, avec Raphaël, qui est toujours à Radio des Ballons d'ailleurs, et je sais pas ce qui vous a pris, si toi t'étais à la bourre ou quoi, ça a été avancé, moi j'arrive alors qu'on m'avait dit, l'émission était déjà enregistrée, j'étais tout déçu, j'avais préparé des questions pour Dany, ah bah, que de chi, j'ai jamais pu lui poser. Oui, oui. Voilà. 15 ans après, depuis je t'ai jamais reçu, hein, ici, je sais que tu étais venu il y a plus de 10 ans avec Yaya. Ouais. Et ouais. Voilà, c'était l'occasion. Donc c'est pour ça, j'ai plein de questions, Dany, pour toi. Depuis, il s'en est passé des choses. Est-ce que, bon, l'extrait Mourir vieux de cet album Restaurant à volonté, est-ce que ça a été un tournant cet album pour toi? En plus du changement de nom, en tout cas du prolongement. Ah ouais, parce que t'imagines, c'est Restaurant, j'ai deux albums en 10 000 exemplaires, dont celui-là, quoi. Donc effectivement c'est un tournant parce qu'aussi je l'ai réalisé. On avait parlé des Archis tout à l'heure, mais les Archis ça a été réalisé par Vincent, qui est le chanteur de PKRK, qui nous dirigeait complètement, et c'est lui le responsable des arrangements complètement sur l'album. Alors que là, Restaurant Volonté, j'ai fait l'album que j'entendais, quoi. J'ai fait l'album que je voulais avec les musiciens, mes familiers de l'époque. Et donc, je suis très content du résultat, quoi. Je suis très content de ce qu'on a fait pour un premier album, Dany Desrues, en plus de l'appellation Dany Desrues, voilà. Et à l'époque, hein, je me souviens, on pouvait, ce que j'avais fait d'ailleurs, te commander les albums via Internet, t'envoyer un chèque, et c'était parti. Il y avait même l'intégrale qui était possible de commander, mais je l'avais pas fait, j'avais pas assez de thunes. Ouais. Si j'avais du lard, je me ferais une omelette au lard. Le problème, c'est que j'ai pas d'œuf. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et en tout cas, aussi, ce qu'on relève, toi, avec ton parcours, c'est que tu disais, ok, t'as commencé à jouer dans les rues, tu joues encore. Alors maintenant, tu alternes, hein, que ça soit les files d'attente de concert, toujours. Ça, c'est ta marque de fabrique. On le disait en tout début d'émission. Les bars, les différents lieux de concert, plus la rue. Et souvent, les personnes qui jouent dans la rue ne le font pas avec leurs propres chansons. ne font exclusivement que des reprises. C'est vrai ça, c'est vrai, je me rends compte maintenant que tu le dis, je m'étais pas rendu compte parce qu'en fait je m'en fous, mais maintenant que tu le dis, oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est unique, si vous croisez ce gars, Danny, vous le verrez, donc que ça soit dans les files d'attente, maintenant vous pourrez vous dire c'est lui, et puis cette spécificité de chanter ses propres morceaux. Et est-ce qu'on joue une chanson là, parce que oui, ça serait bien qu'on oui, joue allez. Un peu avec... Alors, on va en revenir, mais justement, on y allait doucement, ouais, on a le temps. Si on veut battre le record de 4 heures. Hey. Il est stressé, Dany. Il est toujours stressé. Ah, oui, hein, mais c'est toi qui gères ton programme. Mais oui, et puis, non, mais Dany, je sais, il est pressé de vous retrouver, vous qui nous écoutez. Maintenant, vous vous connaissez un peu mieux ces deux messieurs et vous avez envie d'aller les voir jouer ce soir pour les Salopettes Acoustiques. Et vous verrez, c'est fort sympathique. On a déjà entendu un morceau tout à l'heure, le titre Discount, qui est le nom de l'album. Et on va en entendre un dans quelques instants. En bravo pour tes deux titres choisis, parce que je trouve que Schtroumpf et Mourir Vieux sont un peu des titres phares comme ça, donc il y en a 280 qu'on peut trouver à moi, donc au hasard que t'aies choisi les deux là, je dirais il y en a 8 ou 9 moi des titres phares, et donc que t'aies choisi les deux là, bravo quoi. Voilà. Ah bah merci Dany. Et alors quel titre, je vais pas me tenter justement à essayer de choisir celui que vous allez jouer en direct maintenant pour ceux qui écoutent, et puis je finis ma phrase hein, c'est que ce soir donc au camping des Myrtilles à Gérardmer, les Salopettes Acoustiques à partir de 20h hein, ça se trouve au centre de chemin des Barrues, vous passerez un bon moment, c'est entrée libre. Ouais, ouais. Et puis vous pourrez acheter les CD. Ah oui, non, vous devez, parce que c'est bien qu'on joue un concert ce soir, mais ça serait bien que vous achetiez le disque. Achetez. Et puis on le disait, hein, et on n'a pas précisé, je vais le faire maintenant. Donc les albums de Dany sont à prix libre, et il y a là encore, comme toujours avec lui, une spécificité, c'est que quand vous l'achetez, vous l'emmenez chez vous, vous le frottez un petit peu, et non, c'est pas le génie qui apparaît, mais en tout cas, le vœu se réalise. On fait un vœu et il se réalise. Ah oui, oui, oui, ça c'est vrai. C'est oui, ce côté magique de tes albums. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est ce qui a beaucoup contribué aussi aux 73 000 albums que tu as vendus. Ouais. 24 albums, 73 000 vendus. Ouais, voilà. Moi, c'est l'inverse. Ouais, c'est vrai. Bon. Alors. Ouais. Vous savez déjà ce que vous allez nous jouer maintenant. La chanson éponyme du groupe, pas de l'album, mais la chanson qui s'appelle Les Salopettes Acoustiques. On vous écoute, messieurs. Il arrive souvent dans les bandes pour permettre de se reconnaître. On est un signe de ralliement qui définit sans compromettre. Un tatouage, un vêtement, coupe de cheveux ou des lunettes, bracelet, chaussures ou même un chant. Nous ça sera la salopette. Nous les salopettes acoustiques. On aime les sons écologiques et la haute couture ouvrière, la philosophie coluchienne. Elle n'est pas comme son nom l'influe, petite femme de petite vertu, un tissu qui donne le sourire, belle comme deux chevaux dans Paris, maçon enfant, des femmes enceintes. Le clown, le gros en ont l'empreinte. Nos violons, guitares et tambours envoient tout ce qu'ils peuvent d'amour. Pour les salopettes acoustiques, on aime les sons écologiques et la haute couture ouvrière, la philosophie coluchienne. Nous les salopettes acoustiques, on aime les sons écologiques et la haute couture ouvrière, la philosophie coluchienne. Nous sommes ni secte, ni religion, ni parti politique, ni clan, mais juste une belle proposition à nous rejoindre pour une belle danse. Ceux qui cherchent à nous désunir. On va leur montrer nos bretelles, une invitation au plaisir. Pour les yeux comme pour les oreilles, nous les salopettes acoustiques, on aime le son écologique et la haute couture ouvrière, la philosophie coluchienne. Nous les salopettes acoustiques, on aime les sons écologiques et la haute couture ouvrière, la philosophie coluchienne. Danny Desrues et Tony Fomblard, les salopettes acoustiques, c'est le nom du groupe et de la chanson qu'ils viennent de vous interpréter. Merci messieurs. Merci mon gars, Mika. Bah, de rien. Merci. Est-ce que le son était bon? Moi je me demande si le son était bon. Ah, bah t'écouteras après. Bah, ouais, ouais. Okay. Écouteras l'émission. Vous aurez la possibilité de le faire via la page Facebook ou le site internet radiogamozo.eu, page hors format du nom de l'émission. La guitare acoustique de Danny Desrues et... un instrument qu'on n'a peut-être pas l'habitude d'entendre. La basse. Ici, en tout cas, la basse acoustique. Ouais, c'est vrai que c'est pas banal. Et encore, j'ai un mélodica normalement. Alors tu souffles dans un clavier, puis ça fait du bruit. Alors non, mais ça, c'est fou. Mais bon, je l'ai oublié au camping. C'est entre l'harmonica et le piano. Ouais. Et qu'est-ce que ou l'accordéon. Qu'est-ce que tu peux nous dire alors sur ta basse acoustique? Je l'ai acheté pour le groupe, parce que moi je fais pas spécialement de basse. Je l'ai acheté 240€ avec l'argent des concerts. Voilà. Elle sonne bien. Ah bah ouais fais, c'est pas mal. Fais-la nous entendre tout seul. C'est une guitare en bois. Attends, j'arrive. je peux me mettre torse nu, il fait chaud là. Mais vas-y, parce que on sait. Alors, si vous allez sur internet, vous tapez Tony Fomblard et vous verrez que c'est son truc. D'ailleurs, je voulais te le dire en arrivant. Torse si nu, t'as hein. Trop chaud, n'hésite pas ici. J'ai bien compris que c'était ton truc. Bah, j'aime bien me sentir à l'aise. Bah oui. Eh bien, j'ai un côté nudiste. Vous êtes à l'aise là. Ah là, je suis à l'aise. Oh oui, oh oui. Oh là là. Allez, écoute. Enfin, écoutons. Alors, je vais vous faire un truc. Ah, ça c'est mon enchaînement, ça. Sauf que c'est pas la même émission télé. Momomotus. Voilà, c'est alors, un beau son. Hein. Quand vous taperez Tony Fomblard dans votre moteur de recherche, vous tomberez alors sur toutes ses vidéos, les clips musicaux, etc. Et une émission télé qui s'appelle Les Amours. D'ailleurs, depuis que Tony y est passé avec sa compagne, Tex a été viré. Je ne sais pas s'il y a un lien. Je suis sûr que si. Ouais, donc Tex a été viré. Ouais. Et puis ma compagne aussi bientôt, parce que hier, elle est sortie en boîte avec des potes à moi. Ah, mais alors, moi, je voulais passer un extrait de votre CD, je le ferai pas alors. Ouais, bah non, mais c'est-à-dire que moi, je vais au boulot, je vais dormir, je vais me taper dans des campings et tout, me faire piquer par des moustiques. Ouais. Et elle va avec des potes à moi en boîte. Ah bah bravo salope. Clémence. Ouais, Clémentine. Hein. Ah Clémentine, ouais, c'est ouais. Clem. Mais non, tu n'empêches, tu peux passer un morceau si tu veux. Bah tout à l'heure, on a le okay, temps okay, encore. D'accord. Non, alors okay. Parle-nous de cette prestation que j'ai vue, hein, Les Amours à la télé. On cherchait comment faire parler de nous parce qu'on ça, avait oui. Fait un, on a fait un album en fait, Clem et Tony, on a un duo. Comment qui, faire qui parler est génial. De nous. Il est génial ce disque. Waouh, je l'adore. Je l'ai chroniqué sur mon blog, Unblog. Danny vous recommande. Ouais, Danny vous quand recommande. Quand vous tapez ça dans votre moteur de recherche, vous tapez sur le blog de Danny. Et là, c'est pas sur lui, c'est sur tout ce qu'il aime. Ouais, c'est ça. Danny a eu un coup de cœur, pour Clem et Tony. Ouais. Je me souviens. Et du coup, comment vendre ce disque? On a décidé de, enfin, on s'est dit que faire une télé publique, ce serait pas mal. Casting des amours à côté de chez moi. Bah, pour le délire, malgré le côté kitsch de l'émission et tout. En plus, ça collait super bien à notre musique, le côté kitsch. Donc, on a passé le casting. On a été pris. Et trois mois après, on s'est retrouvé à tourner à Paris, avec Tex et tout ça, quoi. C'était rigolo. Mais bon. J'avais un peu le trac. J'aurais pu faire mieux cette émission. J'étais tellement mort de trac parce qu'il y a 900 000 téléspectateurs, je crois, que je suis arrivé dans un truc, une folie. J'ai pas l'air très à l'aise dans l'émission. Mais moi, je me suis dit, alors peut-être à tort, je sais pas, mais que tu jouais ton personnage de Tony Fomblard. Pour moi, c'était pas Anthony Stéry, c'était Tony Fomblard, c'était et bah justement, un personnage. Ouais, si je l'avais joué, le personnage de Tony Fomblard, l'émission aurait été vraiment 10 fois mieux. Ou 10 fois pire, c'est selon comment on voit les choses. Ah oui. C'est-à-dire, ça aurait peut-être anticipé le départ de Tex et peut-être de toute la direction c'est de vrai. France Télévisions. Mais là, j'ai été timide. Là, on a affaire à Anthony Stéry timide qui se cache derrière une façade de bas étage. Pour moi, l'émission, c'est ça que j'en retiens avec le recul. Alors, c'était pas fait exprès cette histoire de couleur des yeux? Ah bah ça ouais, ça, c'est la première fois que je le dis, mais effectivement ouais, ça aussi on croit que c'est un truc pour faire le buzz et tout, et en vrai j'étais tellement décontenancé devant tout ce qui se passait que c'est pas fait exprès en fait. J'ai dit que ma copine avait des yeux vous bleus. Vous irez voir, vous verrez, il s'est trompé la couleur des yeux de sa compagne. En tout cas, cette boulette, c'est surtout qu'après ça a permis aussi d'en remettre une deuxième couche. Vous êtes passé dans le zapping ou en tout cas dans l'émission de Courbet. Ouais, c'est ça. Sauf que je crois pas qu'ils aient passé les extraits de votre CD parce que dans Les Amours, vous avez pu parler, comme tu disais, c'était le but de vous faire connaître artistiquement. Et on a pu entendre un peu de votre une des chansons de l'album. C'est ça, ouais. Texte a présenté. Il vient de toucher la SACEM d'ailleurs de son passage. J'ai touché la SACEM de mon passage, ouais. Donc, cette chanson Gaga de toi est passée 10 secondes sur France 2, j'ai gagné 13 euros. Donc voilà, allez faire la télé publique, ça paye. On va faire péter le score là. Gaga de toi, c'est Tony Fomblard et Clem. Alors c'est pas Clément, c'est Clémentine. À chaque fois, ouais, mais c'est pas grave de toute façon. Je me prends pour Jean-Louis Coste. Le bonheur est à mes pieds. Entre tes bras, moi je suis Gaga de toi. Clem et Tony Gaga de toi, c'est issu de leur album, Tony Fomblard. Ouais. L'album d'ailleurs c'est Clem et Tony C'est le nom de l'album, ouais. C'est un album éponyme, c'est le tout premier. Souvent, les premiers albums, ils sont éponymes. Donc, on a décidé de faire pareil, même si, bon, elle va en boîte avec des potes à moi quand je suis en tournée. Et d'ailleurs, j'ai pas précisé tout à l'heure que l'extrait qu'on a entendu du titre de Dany, qui est aussi là, Dany Desrues, Charlemagne, sur ton album Tony, c'était l'album. J'ai pas trouvé de titre pour celui-là. Oui, exact. C'est pas mal. Alors, je l'ai appelé comme ça parce que j'ai pas trouvé de titre pour celui-là. C'était véridique. Ah ouais, j'ai pas trouvé. Au bout d'un moment, j'ai plus d'idées. Par rapport, on en revient, c'est le fil rouge, les salopettes acoustiques, puisque bah, vous êtes deux des membres. Il y en a trois, hein, Maud qui est à la clarinette et au violoncelle. D'ailleurs, on peut voir sur Internet, hein, vous tapez les salopettes acoustiques et vous verrez dans des vidéos. Et c'est vrai que ça apporte aussi quelque chose, la clarinette et le violoncelle. Les versions sont différentes quand Maud est là. Ah bah oui, parce que Maud elle était pas sur le disque. Il y a une violoniste qui joue sur le disque et Maud est arrivée après. Et elle a personnalisé toutes les chansons parce qu'elle a trouvé des arrangements. Elle a vraiment une richesse dans l'arrangement. Et donc on lui laisse champ libre parce qu'elle a un super bon feeling pour ce qu'il faut faire. Donc elle est impeccable. Maud Geoffroy, si vous voulez chercher sur Internet, de toute façon, il y a les liens via le site Les Salopettes Acoustiques, ou en tout cas la page Facebook. Et le site, hein, je le disais, vous avez bien fait les choses. Hein. Tout est, pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur Les Salopettes Acoustiques, il y a tout ce qu'il faut sur le net. Et puis, il y a ce premier album Discount. Il y a ce concert ce soir, je le disais, je le répète, ce soir au camping des Myrtilles à Gérardmer. Ça se trouve au chemin des bars. Et c'est à 20h pétant. Les enfants, là il n'y a pas d'histoire d'entrée, d'ouverture des portes. Hein. Ah oui, c'est à 20h pétante et on t'attend pas. Hein. Donc tu viens éventuellement avant, viens à 7h30 si tu veux causer avec nous, avoir un petit rapport sexuel vite fait. mais on commence à 20h pétante par contre. Voilà. Et les salopettes acoustiques, alors on a compris le principe, j'ai pas posé la question parce que tout à l'heure tu l'as dit quand tu parlais, quand tu présentais un petit peu, c'est-à-dire salopette, comme tu dis dans le titre, hein, d'ailleurs la philosophie coluchienne. Dans le titre qu'on a entendu, c'est ça représente. Bah toi, Dany, je le disais, quand je t'ai rencontré en 2004, tu l'avais, la salopette, elle ne t'a jamais quitté. C'est aussi quelque chose qui est, bah, je disais, ouais, je l'ai souvent eu. Je la portais plus ces dernières années. Et elle me manquait un peu. Et justement, maintenant, elle est propre aux salopettes acoustiques. C'est-à-dire, je l'ai plus quand je suis sur Dany Desrues, je la porte pas, mais je l'ai pour les projets salopettes acoustiques. Voilà. Et acoustique, ben vous l'avez compris, parce que ce sont des chansons acoustiques, même ce qui est la basse, elle est acoustique, on l'a vu. Parce que je suis traumatisé par le... Tu sais, j'ai assisté en temps réel à la création des Restaurants du Cœur, qui, c'est-à-dire Coluche était à Europe 1, il faisait une audience historique, je crois qu'il y avait un auditeur radio sur deux qui écoutait Europe 1, à l'époque où il était tous les jours en direct. Et les pubs l'emmerdaient parce qu'il devait balancer de la pub tous les quarts d'heure, ce qui n'est pas ton cas, mais ce qui était son cas à lui. Et ça l'emmerdait grave, alors il s'abordait les pubs, il branchait son micro, il sortait des blagues par-dessus. Alors les publicitaires allaient se plaindre, mais en même temps ils étaient remplacés direct par des gens qui voulaient être... c'était the place to be, quoi, d'être diffusé à ce moment-là. Et je me souviens d'un matin où il avait des croissants de la rue François 1er, de la boulangerie François 1er, qui avait livré des croissants pour toute l'équipe, et où il parle, où il dit, ouais, les enfants, ce matin, on nous a ramené des croissants, la boulangerie François 1er, mais qu'est-ce qu'ils sont bons, les croissants. Et alors, le lendemain, c'était un fromage qu'on lui envoyait, pareil. Alors, il commence à parler du fromage, à dire, mais dis donc, le fromage, il est vraiment très bon, dis donc, ce clacos. Alors, avec le pain de la boulangerie François 1er, je te raconte même pas, c'est un délice. Et il continuait comme ça. Je me souviens d'un jour où il avait une bouteille de vin, il dit, alors là, toi, mon gars, tu vois le rosé avec l'étiquette verte, tu vas te reconnaître, hein, il est bon, ton rosé. Il est bon, mais, t'es un peu mesquin de nous avoir envoyé une bouteille, mon gars. Hein. Faut que tu nous envoies une caisse pour qu'on parle de toi, mon gaillard. Et donc, il y allait comme ça, de fil en aiguille, et la bouffe arrive en affluence à Europe 1, parce que les mecs se disent, c'est la voie directe pour qu'on parle de nous. Et au bout d'un mois, il dit, on arrête les conneries, on ouvre un local à côté des locaux d'Europe 1 pour les chômeurs qui veulent bouffer, on vous file la bouffe qu'on a, etc. Et les Restos du Cœur sont nés comme ça, quoi. par cette grande farce radiophonique, quoi, où où ils étaient dans l'éclate, quoi, les mecs à déconner, quoi, finalement. Et c'est, je pense toujours à la phrase de Coluche qui dit méfiez-vous des comiques, parfois ils plaisantent. Et là, je trouve que dans l'exercice même de sa distribution de nourriture, il est exactement dans le symbole même de cette phrase, c'est-à-dire il déconne, mais en fait ça devient un truc extrêmement sérieux et même indispensable maintenant. Il y a quelques références à Coluche dans ton répertoire. Bon, en plus de cette salopette, il y a dans les morceaux, par exemple, tout à l'heure, on parlait de l'album Restaurant en volonté, et c'est un clin d'œil. Le titre Restaurant en volonté, c'est un clin d'œil à un livre de Yann Moix qui s'appelle Podium, où le personnage principal, qui est un sosie de Claude François, qui veut faire une semaine à la Rockstar. En fait, il bouffe pratiquement pas de la semaine pour aller le vendredi soir dans un resto à volonté et se mettre minable. C'est-à-dire, il va se faire resservir comme ce qu'il lui semble être le train de vie des rockstars, quoi. Et donc il vient là et il bouffe comme un porc toute la soirée. Le chapitre est irrésistible et à mourir de rire. Et en hommage au chapitre là, j'ai appelé l'album Restaurant à volonté parce que je trouve que c'était évocateur d'un esprit un peu gras que j'aimais bien. Et par contre, c'est vrai que dans la chanson Restaurant à volonté, il y a un clin d'œil à Coluche qui est quand on voit ce que l'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. C'est une phrase de Coluche que j'ai remis dans la chanson Restaurant à volonté. Très bon film, un Podium. Un film de Paul-Éric Blanru, co-écrit par Yann Moix. Et que je te prêterai, j'ai un DVD, 4 DVD avec les commentaires de Yann Moix et tout. Ah ouais, ouais, je te prêterai le coffret. Ouais. Je viens de parler de cette référence et la chanson Restaurant à volonté, on s'écoute ? Si tu veux, dis. Ouais, suffit de demander. Danny Desrues. Quand on voit ce que l'on voit, on entend ce qu'on entend. On a raison, je l'avance, de penser ce que l'on pense, de jamais être égoïste. Oui, aux pauvres et non aux riches. Mais pour bien être charitable, faut d'abord prendre soin de moi. Il faut que je me nourrisse et de saucisses. Je prends soin de mon estomac. Je sais pas qui me mangera. Moi, des restaurationneurs qui n'ont pas d'âme ni de cœur, ayant cru me rassasier, m'offre un timbre à bouquiner. Restaurant à volonté, j'y arriverai le premier, j'en sortirai le dernier. Pour me virer, faudra me rouler. N'empêche, si j'avais du lard, je me ferais une omelette au lard. C'est que j'ai pas d'œuf. Le problème, c'est que j'ai pas d'œuf. La grosse des amincisseurs ne travaille pas pour du beurre. Elle touche des millions d'euros si elle prend pas de kilos. Quand on va raconter ça dans les pays qui bouffent pas, se foutre de sa gueule, ensuite se foutre de notre gueule. La grosse des amincisseurs, il te la ferait bosser 8 heures. Qu'elle aille perdre ses vitamines à l'usure et à l'usine. Restaurant à volonté, une semaine je vais jeûner. C'est moi qui vais les rouler. Restaurant à volonté. j'en sortirai le dernier. Pour virer, faudra brûler. Ah, Tony Fourblard, il est ici chez lui, il se trimballe. Torse poil. Vous asseoir. Ah bah ça y est, Dani, il voulait plus s'arrêter. L'album Restaurant à volonté. Vous venez d'entendre le titre, bah celui qui donne le nom de l'album, qui ouvre. Et puis là, c'était la statue de la liberté, le statut, pardon. Encore une fois, un jeu de mots, hein, Dani. C'est vrai que tu aimes beaucoup. Je l'expliquais. Tu n'as pas développé là-dessus. Si tu veux en dire quelques mots, cet amour des calembours et autres. Oui, en même temps, je pense être beaucoup plus sur le fond que la forme, mais c'est vrai que ça aide parfois, le jeu de mots aide. Tony est grave fan de Didier Vampas. Je me souviens d'un intitulé une fois en présentation des Vampas qui disait « Les Vampas sont le seul groupe au monde qui ne fait pas de jeu de mots ». Et je trouvais que c'était bien présenté, et puis que c'est bien aussi, parce que tous ces noms d'albums avec un jeu de mots dedans, on vient de le faire là, avec Discount, mais bon, faut peut-être pas, c'est peut-être fatigant, ça type l'album, ça le situe dans son époque, peut-être aussi un peu le jeu de mots, il est d'époque souvent, donc faut faire gaffe. Vous êtes tous les deux de Metz à la base. Ouais, voilà, on est du coin, ouais. Moselle. Et alors, si on a envie, là, c'est le tour Vosges, hein, pour les salopettes acoustiques, puisque vous étiez au Tio jeudi, vous avez pu peut-être les voir, hein, au jeudi en fait, et vous étiez aussi chez les amis de Radio des Ballons. Mais on vient de clouer la Lorraine, c'est-à-dire on n'avait pas fait encore le 88, et on avait fait les trois autres départements, donc c'est fait pour la Lorraine là, maintenant. Mais, voilà. Mais ceci dit, je suis amoureux des Vosges, c'est la Suisse du pauvre, et j'adore être dans le coin. Je préférerais à l'avenir venir plutôt trois fois dans l'année en date isolée que de venir trois jours de suite comme je viens de le faire. Donc s'il y a des structures, je lance un appel, hein. Alors je lance un appel à des structures associatives, des municipalités qui veulent une animation qui déchire sa race et qui est un concert de chansons acoustiques, poétiques, comiques, de chansons de Dany Desrues, de chansons de Tony Fourblard et de chansons surtout des salopettes acoustiques, c'est-à-dire la fusion de ces deux richesses. Eh ben, je vous invite à nous contacter sur nos Facebook respectifs ou sur la page du groupe, parce qu'on a vraiment super envie de venir jouer dans les Vosges. Voilà, on peut pas dire mieux. On revient tous les mois si vous voulez. Les mairies, n'hésitez pas, les services culturels. Hein. Je suis pas venu à Guémouzeau depuis 15 ans, je crois, c'est un scandale. Et donc, on espère revenir plus souvent. Donc appelez-nous, voilà. Ah ben, tu dis de t'appeler, alors tu disais les pages Facebook, Dany Desrues ou Tony Fourblard, mais moi j'ai un numéro de téléphone, celui de Dany, je peux le donner ? Oui, bien sûr. C'est... 06-03-93-00-50, 06-03-93-00-50. Ouais. Alors les petits malins, je vous précise que là je l'ai mis sur silencieux pendant l'émission, donc ouais, si tu veux faire le connard à m'appeler maintenant, ça ne marchera pas, j'aurai juste ton numéro, je t'enverrai un texto d'insulte et ça s'arrêtera là. Donc, mais par contre, pour m'appeler pour les contacts, pour les concerts, ça c'est très très bienvenu, tu peux laisser un message, tu peux envoyer un texto ou m'appeler H24. Tout ce qu'on a dit là est rassemblé dans un titre, puisqu'on parlait de restaurant à volonté, on parlait des jeux de mots, et là tu viens de dire petit connard, le vilain petit connard, c'est un titre de restaurant à volonté. On va pas l'écouter maintenant parce que il y a encore beaucoup beaucoup de choses à écouter. Après, vous êtes en concert ce soir au camping des Myrtilles à Gérardmer. Vous étiez hier au Potter Lacan à Saint-Amé, c'était cool. Ouais, c'est un lieu de chansons alternatives. Moi, j'aime beaucoup. Il se trouve je pense qu'on va y rejouer on en parlait avec Tony, on risque d'y rejouer, ça doit être le 14 septembre normalement. Voilà, bon, je pense qu'on y vient, hein, Tony, on y vient. Ouais, c'était un endroit chic avec un accueil sympa. C'est la chanson alternative, c'est-à-dire David Vincent, il passe souvent, hein, il passe à Guémouzeau aussi souvent qu'à Potter Lacat, ouais. C'est dire. Et la petite sœur des groupes comme ça passe là-bas, donc je crois que c'est un peu l'esprit salopette acoustique aussi. Donc, Donc, bah, c'est un peu notre place, je pense. Et si dans le 88, c'est une de nos antennes ou notre antenne, ça nous ira bien. Mais on a. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est en mode animation musicale dans les cafés-concerts. C'est-à-dire, on joue des reprises, les gens n'écoutent pas. C'est un peu touristique. C'est-à-dire, la soirée est allée sur 3 heures. On aimerait plus jouer en mode spectacle d'1h30 pour des structures qui nous accueilleraient, avec pourquoi pas une petite entrée payante et surtout pour jouer surtout un spectacle, parce que le spectacle qu'on va présenter le dernier week-end de novembre au Gueulard de Nilvange, c'est celui-là qu'on a envie de transposer, parce que c'est écrit, on parle, on chante, on a des choses à raconter, puis c'est là qu'on nous entend le mieux, quoi, je pense. Donc c'est là que j'en appelle aux municipalités et aux services culturels, aux médiathèques, aux kiosques à musique, je ne sais pas s'il y en a dans le 88, mais des choses comme ça. On est propre, hein, on peut dormir chez vous, hein, donc voilà. On aimerait bien dormir chez vous. Et plus si affinité, enfin à part si vous êtes laid, mais sinon on vient dormir chez vous, il n'y a pas de problème. Et si vous faites bien manger, oulala, bon. Voilà. On a l'impression que les Salopettes Acoustiques existent depuis longtemps. Il y a déjà un album, ça tourne pas mal. Et non, hein, finalement, ça fera un an, puisque tu le disais, à Nilvange, au Gueulard Bar. Ouais, l'album est sorti en décembre. Ouais. Ça sera en septembre, les trois dernières, donc 27, 28, 29 septembre, pour votre anniversaire. Et ce spectacle, comme vous voulez le proposer, hein, c'est le nouveau spectacle des Salopettes. Oui, c'est l'évolution, parce que c'est vrai qu'au début, les Salopettes Acoustiques, c'était quand même peut-être sur le départ un projet d'Annie Desrues avec des musiciens, parce que il y a 12 chansons dont 11 à moi et une de Tony. C'est d'ailleurs, j'en ai giclé une pour mettre celle de Tony à la place, parce que il avait son univers et ça aurait été un peu stupide de ne pas l'évoquer dans l'album des Salopettes Acoustiques. Donc il m'a proposé 3 titres et je me suis arrêté sur la chanteuse des Burning Lady, qui fait partie de notre setlist évidemment à chaque concert désormais. Et il se trouve que on est en train de préparer un deuxième album, et là on a l'intelligence d'écrire des chansons ensemble, les autres vont plus chanter sur le deuxième album, et ça me réjouit. Voilà, c'est-à-dire ça devient vraiment un album de groupe, et le spectacle aussi devient plus un spectacle de groupe que du Danny Desrues avec des musiciens, quoi. Quand vous taperez Salopette Acoustique dans votre moteur de recherche, vous verrez notamment un visuel qu'on peut revoir un petit peu. J'ai envie de dire, c'est un logo. Alors, on a parlé de la pochette du disque tout à l'heure. Petit clin d'œil au Kid de Charlie Chaplin, avec Danny et cet enfant à côté, assis sur les escaliers. Il y a ce logo qui réunit Salopette et guitare acoustique qui ne font plus qu'une. Oui, c'est ça. C'est-à-dire ce logo est une synthèse entre l'habillage et la musique, enfin le son, l'artistique, enfin c'est quelque chose de... Oui, ça ne fait plus qu'un. Voilà, on n'a pas autre chose à dire, on ne veut faire plus qu'un sur les Salopettes Acoustiques. Allez voir à quoi ça ressemble. Et quand l'univers de Tony Fomblard rencontre celui de Danny Desrues, ça donne, par exemple, la chanteuse des Burning Lady, les Salopettes Acoustiques. En buvant sa 8-6, tout de suite elle m'a souri. Je cherche son visage dans le ciel. Est-elle pour moi? Est-elle pour vous? Je n'en sais rien, mais j'en suis fou. Chante-t-elle assise? Chante-t-elle debout? Je n'en sais rien, mais malgré tout, elle est vraiment la plus jolie, la chanteuse des Burning Lady. Je l'ai vu au kebab près de Ménil. Elle a pris un tour bien mais j'en suis fou. Chante-t-elle assise, chante-t-elle debout? Je n'en sais rien mais malgré tout, elle est vraiment la plus jolie, la chanteuse des Burning Ladies. La chanteuse des Burning Lady, extrait de l'album Discount, les salopettes acoustiques, c'est le nom du groupe. Il y a ici présent Danny Desrues et Tony Fomblard. Et c'est une de tes chansons qui était, Tony, qui était adaptée pour les salopettes acoustiques. Ouais, une chanson de Lorelai Invincible qui est punk rock au départ. Ouais, normalement il y a les grosses guitares. Voilà, et puis du coup on l'a rendue exprès chiante pour parfaire un public de chansons françaises qu'on a mise sur le disque des salopettes acoustiques. Ça va bien Dani en version acoustique ? Ah moi je l'adore, j'adore. Et je suis tombé amoureux d'une chanson à lui qui s'appelle Marjolaine, qui est sur les Rapaces de l'espace je crois. On va aussi la voler pour les salopettes acoustiques parce que c'est vraiment un tube, c'est évidemment le tube du deuxième album et ça sera le clip du deuxième album parce que j'adore ce titre. Ouais. Alors je ne vous le fais pas écouter, vous l'écouterez avec les salopettes acoustiques quand il sera sur le deuxième album qui devrait paraître quand le deuxième album, vous savez déjà ? Écoute ouais ça dans un peu moins de 2 ans, un peu moins de il y a un album de Danny Desrues qui sort en mars. Et je situerai comme ça vers juin 2020 le deuxième album des Salopettes Acoustiques. On a remarqué, hein, c'est pas la première fois que des morceaux rock peuvent superbement s'adapter en version acoustique. Oui, tout à fait. Ça c'est. Alors là, il se trouve qu'on était au Potter La Cat hier soir et que toute la soirée avant qu'on joue, si tu veux, il passait, tu sais, ces groupes qui reprennent du AC/DC en musette là et du du Guns N' Roses et compagnie en mode accordéon et toutes ces choses là. Donc effectivement, oui, de nos jours, le phénomène Nouvelle Vague et Paris Dernière se répand à vitesse grand V. Par rapport aux albums de Danny Desrues, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure parce qu'on a entendu un de tes tubes, Schtroumpf, que tu as remis dans l'album Le Retour de Rémi Vinacci. Ah, quand tu dis tube, c'était pas... moi je dirais que c'est même plus des tubes, c'est carrément des classiques de la chanson française quoi, à ce niveau-là. Ouais. Et alors vous avez encore un point commun, Tony et Danny, et puis un point aussi commun avec Renaud, c'est que vous avez inventé chacun des héros. Toi, pour toi Danny, c'est Rémi Vinacci. Ouais. Pour Tony, alors c'est un peu, j'ai envie de dire facile, c'est Antoine Théry, c'est pour toi quoi, c'est pour Anthony Théry. Non. Ah non ? Non, c'est mon oncle. c'est l'histoire de mon oncle. Non mais c'est vrai. Il s'appelle Antoine Théry ? Il s'appelle Antoine Théry. Ah oui. Et il est mort. Voilà, donc ça, je voulais vraiment écouter. Ouais. Voilà, il était homosexuel. Il avait cette maladie. Comment elle s'appelle cette maladie ? Tu viens de le dire. Il était sur. Non. C'est une blague. Pas la peine d'écrire à la radio pour dire ouais vous l'avez ça va, balance ton porc. D'ailleurs, balance ton porc, je dis juste un truc, c'est que on remarquera que balance ton porc a une signification totalement différente du hashtag balance ta cochonne. que je trouve beaucoup plus sympathique, du coup, moi, le balance ta cochonne, c'est plus un hommage qu'une dénonciation, hein. Voilà. Bon, là, tu vas voir du courrier, hein. Oula, vache, là, ça va chier. Ouais, c'est une habitude, ouais, ici. Je me désolidarise complètement des propos de Danny Deru. Ouais. C'était mon oncle qui était séropositif et très catholique. Oh merde. Et puis, voilà, bon, il est décédé quand j'avais 16 ans. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. Alors, j'ai créé un album pour raconter sa vie, qui s'appelle L'histoire d'Antoine Terry. Mais non, c'est pas un album sur moi. C'est un album concept, en tout cas. C'est comme ça. Rémi Vinacci pour toi, voilà. Dani. Vous avez inventé, prenez des personnages existants comme vous voulez, en tout cas vous en faites un album de chansons et racontez l'histoire. Bah, pour le coup, toi, l'histoire d'Antoine Terry, ça va de jusqu'à la mort, hein, tu te disais. Ouais, c'est ça. Et pour toi, Dani, alors Rémi Vinacci a même eu le non-retour. C'est ça qui est pas mal, c'est que souvent on voit un personnage comme dans les films, et puis il y a le retour. Toi, t'as fait le retour, c'était le premier. Non, c'est le deuxième, parce qu'en fait, l'album les Bonnes Nouvelles, qui précède Restaurant à Volonté, l'album des Bonnes Nouvelles et les premières histoires, les premières aventures de Rémi Vinacci. Et j'ai rencontré des gens à Arlon, Aubange en Belgique, qui s'écoutait religieusement cet album tous les samedis soirs et faisait une fête de ouf en écoutant les aventures de Rémi Vinacci, et qui me tannait pour que je fasse une suite, et donc du coup j'ai fait une suite, voilà. Et dans les albums un album qui a suivi, hein, c'était en 2007, Maquette démo. Ouais. Et il est particulier, cet album. Bah, je sais pas, il y a plein de particularités, mais laquelle tu sous-entends? Non, mais pour toi, quelles sont-elles alors? Alors, il se trouve que à la base, c'était l'histoire, Maquette démo, c'est l'histoire de mon groupe Les Matchies, en gros, que je raconte dans cet album, et qui bavait de jalousie positive devant un groupe de punk rock qui s'appelait Zéro de Conduite, qui sillonnait la France à l'époque, qui était fait par les frères Ledoux, qui ont donné les Blancas après. Donc j'aurais rêvé de connaître ce que Zéro de Conduite connaissait, c'est-à-dire la première partie de U2, des Clash, de Gainsbourg, de Renault, des télés, des aller en studio faire des albums, enfin moi c'était de la sorcellerie tout ça. Et donc j'ai raconté cette histoire dans l'album Maquette démo, et c'est vrai, c'est un album de 33 titres, c'est un album en 10 000 exemplaires comme Restaurant à Volonté, et aussi alors j'ai des featuring un peu prestigieux, c'est-à-dire j'ai deux chanteuses qui m'accompagnaient dans mon adolescence, la chanteuse Agathe du groupe Regret qui chantait Je veux pas rentrer chez moi seule. Ah, tu l'as, dis donc. Je veux pas rentrer chez moi. Je veux pas rentrer chez moi seule. Voilà. Et il y avait aussi, alors il y avait Agathe qui a écrit des chansons avec moi, notamment La Place du Retour que je joue toujours en concert, enfin que je joue souvent en concert dans Dani Derus met au chaud. Et il y avait aussi Freddy Larocca qui chantait. Alors Freddy Larocca, elle était dans la compagnie musicale de Bill Baxter, Embrasse-moi idiot. Veux toujours. Oh, c'est un peu plus tard, hein, le refrain. Ouais. J'ai pas le style, premier la classe. Quand je me regarde dans la glace, j'ai peur qu'elle me laisse sur place. Et oui, sur place. Embrasse-moi, idiot. C'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que des mots. Embrasse-moi, idiot. Elle a fait quoi sur l'album Maquette démo? Alors elle a aussi on a écrit des chansons ensemble, elle a fait des chants, des chœurs sur l'album, comme Agathe d'ailleurs, toutes les deux ont participé à l'album dans les featuring. Pourquoi avoir fait appel à elle? Parce qu'elles étaient, bon, j'ai appelé plein de monde, hein. J'ai eu très peu de d'avis favorables, ou certains avec qui je le sentais pas quand on était en contact, donc j'ai laissé tomber. Mais donc elles deux, il se trouve qu'on est devenus super potes à l'époque, et donc ça s'est fait naturellement qu'elle participe à l'album. C'était la symbolique par rapport aux années donc où tu avais ton groupe Les Matchies. Ouais, c'est ça. C'est des gens que j'ai retrouvés après adulte, c'est-à-dire quand j'étais adolescent, je rêvais de rencontrer ces gens-là. Je rêvais de les rencontrer, et j'ai à peu près rencontré tout le monde. Alors il se trouve quand on rencontre je sais pas, Renaud, Jean-Louis Aubert, des gens comme ça, on va pas être potes avec eux, on va être assis à un moment donné, j'étais bien avec Renaud par exemple, mais on devient pas potes parce que c'est, ils sont quand même dans une autre sphère, sur une autre planète un petit peu. Alors que des gens qui ont peut-être eu un rayonnement plus humble sont dans la vie sociale un peu comme nous quoi. Donc après le rapport réel est plus facile avec eux et plus sain, je sais pas. Et donc du coup on est devenus amis quoi. On est devenus amis et puis voilà pourquoi j'ai pu travailler avec elle avec un grand plaisir. La place du retour, est-ce que c'est un morceau que tu pourrais nous jouer ouais. maintenant en direct ouais. du ouais. studio de Radio Gemozo? Oui, oui, oui. Ça serait cool. Et on peut dire aussi, hein, c'est quand même rare les morceaux de ton répertoire, Danny Deru, qui ne sont pas de toi. C'est ouais, que généralement, ouais, a... tu écris les paroles. Alors surtout les textes, parce que là, c'est un texte qui n'est pas de moi. Il n'y en a pas des masses quand même. Et il se trouve que par rapport à ce texte, Agathe m'expliquait à l'époque où elle a gagné plein d'argent, des sommes dingues. Et chez elle, c'était vraiment Woodstock. C'est-à-dire, tout le monde vivait là en communauté, plus ou moins. Et l'année suivante, il n'y avait plus de blé, donc les gens n'étaient plus là. Mais ça, c'est normal parce qu'elle elle peut plus régaler. Donc là-dessus, elle n'était pas surprise. Mais par contre, là où elle a été surprise, c'est que des gens lui ont craché à la gueule, même des gens qu'elle a dépanné, etc., qui lui chient dessus. Et donc, elle se l'est expliqué avec beaucoup de recul. Elle a expliqué le phénomène qu'elle dit que quand on donne aux gens, faut leur laisser la place de nous rendre parce que sinon, ils sont embarrassés. Et ils vont nous chier dessus pour pas avoir à nous remercier. Et donc elle dit, il faut leur laisser la place du retour. Et elle l'expliquait tellement bien que je lui ai dit, moi je saurais pas l'écrire, Agathe, tu peux me l'écrire en chanson. Et elle m'a fait le texte que je trouve vraiment délicieux et savoureux, que j'exécute immédiatement. Généreux, on t'a dit, les rats sont des maudits, mais toi t'es un gentil. T'oublie pas de dire merci, hein, hein, hein. Tant que t'as du partage, pour pas de désavantage, personne dans le largage, au sein du grand carnage. Tu donnes à qui, si un jour t'as qui, tu baignes au jacuzzi, c'est au plus démunis. Oh, n'oublie pas, n'oublie pas, lâche pas le flouze, à tout va. Laisse la place au retour immédiat dans l'amour. Demain ce sera trop tard, chaque jour fait ses quoi. Alors n'attends pas trop de ne plus être à flot. Pour signer que t'es trop gros, t'écrases avec tes lots. Les dons c'est du pouvoir pour celui qui veut se voir. Chéri dans son miroir, aimé pour son avoir, ils pourront pas te rendre. Faut pas que tu t'y attendes. Si tu feins de t'en fendre, t'auras le retour de glande. N'oublie pas, n'oublie pas. Tu prends la vie de celui qui tu l'as sauvé. Il faudra qu'il te tue pour la récupérer, ou que tu risques la mort pour le laisser t'aider. N'oublie pas, n'oublie pas. Lâche pas le flouze, à tout va, laisse la place au retour immédiat dans l'amour. Demain ce sera trop tard, chaque jour fait ses quoi. Merci Danny Deru. Place du retour, c'est un titre écrit par Agathe du groupe Regret, hein, qui avait notamment chanté et écrit la chanson « Je veux pas rentrer chez moi seul ». Vous avez entendu tout à l'heure un petit extrait, c'était dans l'album de Danny Deru, la maquette démo, pardon. Et c'était en tout cas sur ce thème un peu nostalgique, hein, de ce groupe que tu as formé au tout début, les Matches, et on est en plein dans les reformations, dans le rock'n'roll, hein, ça se fait depuis longtemps, il y a des... Ah oui, alors je vais faire plein de malheureux, mais les Matches ne vont pas se reformer. Ah bah voilà, tu as devancé ma question, c'est impossible ça, parce que toi qui es fan, entre autres... Téléphone, ouais. Hein, ça fait partie des groupes qui t'ont marqué, la reformation par les insus... Déjà, qu'est-ce que vous en pensez, Tony et Dany? Et puis, donc, tu as répondu, les machistes, c'est impossible. Alors, je vais déjà te corriger parce que ouais. tu viens de dire reformation des insus. Les insus n'existaient oui, pas. Bien sûr, bien sûr. Et il n'y a pas de reformation vu que Téléphone, si tu veux, Téléphone, c'est un groupe qui a une double casquette. C'est évidemment les Rolling Stones français parce que Aubert a la gueule de Jagger et Bertignac est plus Keith Richards. Et dans la musique, c'était quand même très influencé. Mais c'est aussi nos Beatles. C'est-à-dire que les Beatles, c'était quatre personnes où le groupe ne pouvait pas exister sans l'un d'entre eux. Je pense que même si c'était par exemple Ringo Starr qui était mort, le groupe ne se serait jamais reformé. Donc, Téléphone avec cette histoire que c'était vraiment quatre personnes. Et qu'est-ce que je pense de la reformation? C'était un cahier des charges obligatoire. Alors, il y a plusieurs choses, de ce concept insu pour faire revivre les chansons de Téléphone par les trois membres masculins. Il y a deux choses à dire, c'est que c'était impossible avec Corinne parce que Corinne a une idéologie libertaire qui n'est pas le cas des trois autres et elle a une façon de voir la vie qui est quatre parts égales et quatre voix égales, etc., qui ne marche pas dans les groupes où il y a une ou deux personnes qui donnent la direction et les deux autres suivent de... En plus, je sais pas, j'imagine dans les Rolling Stones, on imagine bien que Jagger et Richards guident le bordel et que Ron Wood et Charlie Watts vont suivre les deux autres, mais ils vont pas se la ramener, quoi. Et dans Téléphone, ce côté à toujours vouloir se la ramener a été dans les 10 ans du groupe certainement une richesse, mais maintenant que les groupes n'existent plus, c'est insupportable pour Aubert ou Bertignac, surtout Aubert, d'avoir Corinne qui lui dit quoi faire, quoi. Enfin, il veut plus du tout supporter ça. Et donc on comprend que ça pouvait pas se reformer avec elle. Et maintenant cette reformation, je suis pas sûr qu'ils ont pris grand plaisir. Alors beaucoup de gens ont dit ils l'ont fait pour l'argent ou des choses comme ça. J'y crois pas du tout. Je crois qu'ils l'ont fait parce que c'est un espèce de cahier des charges par rapport aux gens ou qui depuis 30 ans leur demandent chaque fois qu'ils les croisent quand est-ce que vous reformez, quand est-ce que vous faites une tournée, etc. À un moment donné, ils se sont dit bah là c'est un peu le moment. C'est-à-dire, si on la fait pas maintenant, on la fera plus jamais. Et de se dire que tant de gens voulaient les voir, tant de gens qui les avaient jamais vus voulaient les voir, ou ceux qui les avaient vus voulaient les revoir. Et ils se sont dit, bah, écoute, on va faire cette tournée, après on nous en parle plus jamais. Mais au moins, on aura fait le job et on aura fait ce qu'on nous demandait de faire, quoi. Donc, ils l'ont fait dans cet esprit-là, je pense. Et, à ce titre, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai vu 5 dates. Et tu as fait comme à ton habitude et la première et la dernière ton partie, concert avant. La première et la dernière partie, évidemment. Sinon quoi, les gens n'auraient pas compris ce que c'était que ces soirées-là dans le nord-est de la France. Si je n'avais pas été là, il y avait quand même une couleur qui manquait à la soirée. Elle Donc public. Je me dois aussi, comme les insus se doivent de revenir, oui. Je me dois d'être là pour m'exécuter. Éventuellement, si les gens mettent une pièce dans l'étui, c'est pas plus mal, mais je suis là. Et ils étaient généreux, le public des insus? Ah ouais, j'ai de très bons souvenirs, hein. Oui. Et alors, pourquoi les Machis, ça ne peut pas se reformer? Bon, déjà, mon frère vit en Malaisie, j'étais chez lui il y a 2 semaines. Bah, une tournée en Malaisie, ça pourrait le faire, là, c'est un super retour en Malaisie. Bah oui, alors après, on est trois à devoir aller là-bas, et puis il y en a un de la bande que je suis pas de ouf avec lui, quoi, ça va 2 minutes quand je le vois, et... voilà, bon. C'est lequel? Revenir aux origines du punk, en tout cas, c'est un peu vos racines à tous les deux, hein. Vous faites beaucoup de choses, de styles différents. Mais est-ce que, finalement, Dany, ça pourrait être avec Tony, le punk? Est-ce qu'en plus des salopettes acoustiques, vous pourriez monter un projet ou. Mais moi, je suis pas punk, tu vois. En fait, j'ai une démarche punk, mais le premier, ce qu'on appelle punk. Do it yourself, c'est-à-dire le truc de faire le truc soi-même, mais qui sont pas le punk oi musicalement. Par exemple, dans les groupes de Tony, je trouve que c'est très punk musicalement, quoi. C'est très, il y a vraiment ce truc que moi j'ai pas dans la musique. Moi, j'ai pas du tout ça. Et en plus, j'aime pas des masses musicalement ce genre de franchement, c'est pas trop mon trip. Hein. C'est vraiment deux écoles différentes. Le public de Dany n'est pas mon public. C'est que Dany, c'est plus de la chanson à texte. C'est du texte qui est chanté. Alors que moi, c'est l'énergie pure et dure. Et puis le texte, à la limite, je suis obligé d'en écrire. Parce qu'il faut bien illustrer la chanson. Mais c'est vraiment deux styles de musique différentes. Et vraiment, il y a des gens qui nous comparent. Moi et Dany. Alors que bon... quand même, faut pas être très renseigné pour penser qu'on fait la même chose, parce que honnêtement, même scéniquement, même niveau prestance, même on peut pas comparer Lennon, privé, on est pas pareil. Ouais, ouais, on peut pas comparer Lennon et McCartney, même si c'est des Beatles, si tu veux. Ouais. Il y a un souci hein, avec Tony, vous l'avez bien compris, vous qui suivez cette émission depuis le début, c'est qu'il est trop prolifique, ce monsieur. Ouais, c'est le écrit problème. Trop de chansons. Et d'ailleurs, tu me l'as dit, hein, des Fomblards. Ton premier groupe, les Fomblards. Ouais, mon premier groupe. Les Fomblards. Avec un extrait de l'album Kitsch Rock Invasion. Ouais, un tube, cette chanson. Et je peux dire un truc sur l'album ? Bien sûr. C'est que je l'ai filé à Didier Vampas, et c'est un de ses albums préférés avec sa femme Florence. Et il m'a dit un jour que c'était pour lui le meilleur album de rock français de ses 30 dernières années. Voilà, Didier Vampas, mon idole. Et il a un bon visuel. Hein. Moi, j'attache souvent de l'importance. Je le disais tout à l'heure, on a parlé de celui des Salopettes Acoustiques. Eh ben, celui de cet album Kitsch Rock Invasion a un super visuel aussi. Ouais, illustration. Ouais. Une jolie pochette, ouais. C'est des soucoupes volantes qui jettent des vinyles de Dev sur la ville. À la David Vincent. Ça m'a fait penser un peu à certains visuels. Ouais, il a fait ça aussi. Vincent. Ouais, mais lui, il prend de la coke pour faire des émissions de 4 heures, ce qui n'est pas notre cas. Alors. Du coup. Alors, il n'y a pas que des chansons que tu écris de trop, Tony Fomblard, puisque on a parlé du côté vidéo, les films, vous irez voir sur la chaîne YouTube de Tony Fomblard. Fomblard, ça s'écrit F-O-M-B-L-A-R-D. C'est un mot, hein, d'ailleurs, qui existe en français, hein, qui veut dire entre autres blaireau, etc. Tu disais tout à l'heure, toi t'étais plus poli, toi tu disais Fêtard. Ouais. Ça dépend des villes, des patois. Voilà. Et tu écris beaucoup de livres, enfin 4, hein, il me semble. Ouais, bah j'ai écrit 3 livres. J'ai écrit 3 livres parce qu'en fait, le 4e, c'est toutes mes chansons rassemblées, c'est mes paroles de chansons. C'est un beau livre, un beau recueil de 800 pages. L'intégrale des chansons 2000-2017. Voilà. Le mec est né quand même en 1991, hein, c'est-à-dire qu'en 2000, il avait 9 ans. Ouais, j'ai commencé à écrire des premiers poèmes à 9 ans. Mais oui. Ouais. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a mis sur le cul, c'est que on a l'impression qu'il a 50, 60 berges, ou même que le mec est mort, hein, parce que l'anthologie de ses chansons. Mais non, il a 26 ans. Je suis pas mort, mais je prévois de mourir. C'est pour ça que j'ai sorti ça. Mais tu l'as même mis sur un album d'ailleurs, hein, sur un album. Il me semble qu'il y a. Il y a un album qui s'appelle 1991-2016. Ouais, comme s'il sortait après ton décès. Bah ouais, mais je mets souvent en scène ma mort. C'est un truc que j'aime bien. J'ai aussi un spectacle solo scatophile. Ah oui. Où je mets en scène ma mort, ouais. Et alors pour parler des livres, bon, on l'a dit, il y a déjà l'intégrale des chansons, donc c'est celui qui est paru en dernier. Mmh. 850 pages, c'est pas rien. Il y a la crise de foi. Alors crise de foi, c'est sur le rock'n'roll, c'est l'histoire du rock'n'roll. C'est recueil de nouvelles. C'est un recueil de. Je lis beaucoup de nouvelles à la Bukowski, hein, Jean-Louis Coste, des nouvelles un peu trash, quoi, qui racontent des histoires, des tribulations d'un alcoolique, tout ça. J'aime beaucoup la littérature trash, et donc voilà, j'écris deux livres comme ça qui racontent. Mes soirées un peu glauques. L'autre, c'est « Je me suis réveillé seul et j'irai, trois petits points, me coucher ». Enfin, les trois petits points, c'est « Me coucher, pareil, mais un peu plus ivre ». Ouais, pareil, recueil de nouvelles. Et les poèmes, c'est « Trois verres de bière ». C'est ça, livre de poèmes. Dans l'alcool. Ouais, l'alcool, ouais. Ouais, j'aimais beaucoup un moment, maintenant je me suis calmé, mais à un moment, bah, ouais. Ça va avec le groupe rock'n'roll ? Enfin, tes groupes rock'n'roll, ça va. Ouais, voilà, mais en fait, non, c'est un cliché, ça, parce que quand tu bois, en fait, tu fais un mauvais concert et puis t'en fais pas plus de 10 en général. Si j'en ai fait 200, c'est que j'ai arrêté de boire à un moment. Et par rapport, on a parlé tout à l'heure, Dany, lui, a commencé par le dessin. Toi, c'est quelque chose, Tony, qui. Parce que il y a, par exemple, je sais plus quel livre, là, j'ai pas l'image sous les yeux, même peut-être. Oui, et bah, celui des chansons, hein, c'est une illustration aussi. Ouais, c'est un dessin de Mélissa Rota, une dessinatrice. C'est pas moi. Moi, je sais pas dessiner une flèche. Je suis vraiment mauvais en dessin. Et toi, Dany, est-ce que tout à l'heure je disais que sur tes 24 albums, il y a quelques pochettes où ce sont des illustrations. Est-ce que tu t'es remis à dessiner ? Est-ce que c'est toi ou pas ? Alors pas du tout, parce que j'ai eu un traumatisme à l'école primaire où j'avais cru bon essuyer ma palette avec de peinture avec la serviette personnelle de l'instituteur, qui m'avait mis une fessée carabinée, et j'ai eu un trauma sur le dessin un peu après ça. Alors j'ai eu un retour en cinquième, je me souviens, où je tirais les portraits, mais ça a été furtif, parce que après, non, j'ai abandonné, je sais plus rien dessiner, hein. Bah, j'ai pas envie de dire que c'est pas plus mal. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu fais appel à de grands illustrateurs comme Charlie Couture, par exemple, qui a illustré l'album J'ai grandi en rêvant. Et aussi le livre, le oui, Buster Keaton. Ouais. Alors, on en est là, on en est dans la littérature, on en a parlé avec Tony. Et alors, avec grande littérature. Enfin, oui, oui. Précisons, grande littérature, grande parce que c'est. Ton parcours de. Le livre est très petit, mais c'est de la grande littérature. Mais oui. C'est ton parcours de vie de chanteur qui commence, enfin, chanteur de rue, hein. Mmh. C'est ça, tout ton parcours musical. Il se trouve que, alors moi, j'ai sorti à l'époque de. J'ai parlé tout à l'heure des Archies, du film des Archies, mais j'avais aussi sorti trois fanzines qui racontaient l'histoire des Archies à l'époque, qui s'appelaient donc An Archive, Match Historique et Lettres d'A. Et ces trois fanzines, mais se vendaient pas du tout. Et comme la vidéo, d'ailleurs, la VHS à l'époque, ne partait pas, alors que les gens achetaient un CD sur les concerts, ça partait très bien à cette époque-là. Parce que maintenant, c'est mort, ça aussi. Mais à l'époque, c'était, ça partait très bien. Donc, j'ai pu continuer pendant 20 ans à faire des CD, quoi, ou 25 ans. Mais alors. Pour ce qui est du livre, moi j'étais très sceptique parce que je voyais que les gens lisent pas. Enfin, ils aimaient bien peut-être le disque pour repartir dans la voiture avec et puis l'écouter comme ça, mais ils allaient pas forcément lire. Et je sais que quand tu vois quelqu'un chez Ruquier le samedi soir présenter son bouquin, une fois sur deux il en vend 400, genre, c'était rien du tout, quoi. Et je me dis, bah dis donc, attends, si ces mecs là qui sont vus devant plusieurs millions de gens le samedi soir, ils vont vendre 400 bouquins, moi c'est même pas la peine avec mon histoire de. Et je, enfin, c'était pas celle-là que je voulais faire, d'ailleurs. Moi, je veux écrire des fictions, des histoires comme ça, enfin. Et j'ai deux potes qui, la même semaine, m'ont dit, c'est comme un signe, deux potes qui, l'un était musicien, donc il avait été anciennement le CMCN, mais maintenant c'est le MAI, avec moi à l'époque où j'étais dans cette école, il y a 28 ans en l'occurrence, et on se rappelle, on s'appelle de temps en temps, on papote, et il me dit, mais tu sais, toutes tes anecdotes de la rue, tu devrais en faire un bouquin, qui me fait. Et la même semaine, un autre pote, alors c'est ça qui m'a intéressé, c'est que l'un était artiste et l'autre est commerçant. Comme je te disais tout à l'heure, l'artisan, je faisais la boucle. C'est Carlos Pavicic qui a des magasins de le Burin Musique à Metz, mais qui a aussi des marques de cordes, de guitare qu'il a lancées dans le monde entier. Et qui me disait, mais Dany, il faut que tu t'écrives un bouquin avec ton histoire, quoi, avec ton, faut que tu racontes ça, parce que c'est quand même atypique, quoi. Et je lui ai dit, oui, mais je veux bien, moi, mais est-ce que ça va marcher? Alors j'y croyais tellement pas, que j'ai lancé un Kiss Kiss Bank Bank site participatif en disant aux gens, vous savez quoi, si vous en voulez pas, je ne me formalise pas, moi je m'en fous. Et je l'écrivais au fur et à mesure que les... Parce que la seule bonne nouvelle dans l'affaire, c'est que ça coûtait pas cher, c'est-à-dire ça coûtait même pas 1000 balles ou 1000 euros, tout compris, si je compte les gens à rémunérer pour la conception et toutes ces histoires-là. Donc... Ça coûtait pas 1000 balles à faire, donc c'était la seule bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Et donc j'ai dit aux gens, écoutez, si vous le voulez, ce bouquin, financez-le. Et je ne me formalise pas si vous ne le financez pas, parce que je m'en fous en fait. Et ils l'ont payé. Donc le bouquin a vu le jour. C'était très agréable à écrire et il est vraiment essentiel, ce livre. Donc c'était finalement, c'est vraiment une bonne histoire qui m'est arrivée, que j'ai pu raconter mon parcours par ce livre, voilà. Bah déjà, le titre est bien trouvé, on en revient au jeu de mots, hein. Le Buster Keaton, ça fait penser à Buster Keaton, et puis le Busker, bah c'est comme toi, hein, c'est le musicien ambulant. Oui, c'est d'ailleurs, je cherchais un jeu de mots avec Busker. Ouais, on en revient au jeu de mots dont je parlais tout à l'heure. C'est aussi un clin d'œil parce que le label qui produit mes disques s'appelle Maya Record. Et moi, j'ai une chanson qui s'appelle Maya dans mon reportage parce que c'est le nom de ma tante. Il a parlé de son oncle tout à l'heure. Moi, c'est ma tante qui est décédée, qui était bonne sœur. Et c'est une chanson aussi importante dans mon répertoire. Et c'est amusant que le label s'appelle Maya Record parce que les gens croient que c'est moi qui ai monté un label qui l'a appelé Maya Record parce que il y a la chanson Maya en l'occurrence dans mon répertoire. Et alors le Buster Keaton, c'est parce qu'en fait parce que le label appartient à une association qui s'appelle la Lorraine et Hardy. Comme Denis Meyer, le directeur de l'association, est fan de Charlie Chaplin de Lorraine et Hardy, il a appelé son asso la Lorraine et Hardy, et je trouvais que du coup appeler le livre Le Buster Keaton, produit par la Lorraine et Hardy, c'était assez astucieux, voilà. Et comment tu en es venu à collaborer avec Charlie Lee? Comment il en est venu, lui, à faire, parce que Charlie Lee, ça fait 20 ans qu'on s'écrit, beaucoup par les mails, ça fait longtemps que j'ai toujours à lui parler. C'est un mec d'une belle disponibilité, d'une grande générosité par rapport aux questions que j'ai toujours, parce que si je lui pose une question de 3 lignes, il me répond une page. Donc il est quand même, il est le contraire de moi par rapport à Tony Fomblard qui répond un mot aux pages qu'il m'écrit. Donc Charlie Lee d'une belle disponibilité et donc il m'a toujours suivi. Je me rends compte quand je le croise, on parle, on se voit tous les 2 ans. Et on va parler d'un truc et 2 ans après on se revoit et il me relance là-dessus sur le truc qu'on s'est parlé 2 ans avant. Ça me surprend toujours cette implication qu'il a comme ça. Je me rends compte que j'existe pour Charlie Lee Couture et voilà. Je le connais de là. Il est. Je suis content qu'on ait un mec comme lui en Lorraine, quoi. Je suis content que s'il y a un chanteur en Lorraine, c'est Charlie Lee. Et je trouve que c'est bien parce que c'est vraiment un mec bien, quoi. Et puis là aussi, hein, quelqu'un qui touche un artiste à part entière. Il se définit comme multiste. Oui. Et ça lui correspond bien. Plasticien, auteur, compositeur, interprète, photographe. Voilà, comme tu le dis, multiste. Et vous verrez, hein, si vous allez voir, notamment sur Internet, vous tapez Dany Deheru, et ce livre, Le Buster Keaton, l'autobiographie de Dany, vous verrez la superbe couverture dessin de Charlie Lee. Hein, ça représente bien. Ça représente certainement aussi. Alors il a fait toute une série avec, il a fait Lou Reed notamment, il a fait beaucoup d'artistes, enfin des artistes de ma veine, je dirais. Je crois qu'il a fait Bowie, il a fait Lou Reed, mais donc il a fait mon portrait de la même manière. Et bon, c'est toute une série qu'on trouve. Donc on est tous là. On est tous dans cette série. Et si on veut ton bouquin, Le Busker qui tonne. Alors pareil, on m'écrit sur la page d'Annie Desrues. Ouais. Et on essaye d'être poli quand on m'écrit, hein, pas un truc, je veux le bouquin. On dit bonjour, etc. Et bon, bah après, il y a tractation. Hein, je le vends à 10 balles. Là, le prix fait rêver de rire, hein, mais le contenu parfois aussi. Mais là, il peut pas être comme tes disques à prix libre. Hein, là, non, là... Non. D'ailleurs, il en reste pareil. Quasi plus. En plus, il est... 60, j'ai lu qu'il en restait 60. Tu l'as édité à 1000 exemplaires, c'est ça? C'est ça. Il en reste 60. Donc, je cherche pas à les vendre. Bah, si je les ai 10 ans, les 60, ça me va parce que je vais rencontrer des gens à qui, un jour ou l'autre, j'ai envie de dire, ah, il faut que tu lises mon livre. Donc, les 60 qu'il y a, s'il me reste sur les bras, là, pour les 60 rencontres que je vais faire dans les 10 ans qui viennent, ça me va. Et... Tu nous as parlé de ta tante Maya, et c'est peut-être le moment de, ben, d'un hommage. Alors, si tu veux l'écouter, je l'avais lancé, mais tu veux la jouer en live? Si tu la lances, je te suggère la version. Alors, c'était ma quête démo. Non, mais c'est pas celle que je te suggérerais. Ah, ben, ça serait laquelle? Moi, je te suggérerais le. Ah, non, plus, parce qu'elle est vraiment mieux, ou alors je la joue. Ah, je suis trop loin là du coup, c'est ça? Parce que c'est Tony qui est distrayant. Moi, je trouve qu'il sature depuis. Mais enfin, dans ce que je raconte ou dans le son? Dans le son. Les retours, c'est les retours casques hein, qui sont pas bons. T'inquiète. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Et alors, parce qu'on a fait, un album toujours dans la lignée du concert des 25 ans. On a fait un album qui s'appelle Ce temps qu'on pile. Et dessus, il y a une version de Maya qui est faite notamment avec Vincent de PKRK à la basse. Et il y a un super son sur cet album. Et je trouve que la version, en l'occurrence, de l'album Ce temps qu'on pile et la version absolue de la chanson Maya, si je dois la définir. Écoutons-la. Maya, version 2014. Sur son dernier lit, au tout dernier jour de sa vie, elle a pris 10 ans dans la semaine, car beaucoup de petites filles quand même. Elle m'offrit ma première guitare, à l'époque je ne voyais pas les efforts qu'elle avait dû faire pour que je puisse jouer mes arpèges. Quand on les mots m'ont calcule pas, le prix des choses, on voit que la joie, c'est qu'elle était bien jeune, ma tante, au bout de ses 65 ans. J'aurais eu tant de choses à vous dire, j'aurais eu tant de choses à vous dire, j'aurais eu tant de choses à vous dire, j'aurais eu tant de choses, j'aurais eu tant de choses à vous dire. Dernière phrase qu'elle aura pu dire, elle se savait bientôt partir. Une dernière fois voulait sourire. Maya, ma tante, était bonne sœur, sœur de ma mère vraiment si bonne, donnant à chacun du bonheur, au service de Dieu donc des hommes. Si elle avait toujours une croix sur elle, elle ne l'affichait pas, préférant les travaux pratiques au beau discours pharisianiste. Elle a fait vœu de pauvreté matérielle, vous le comprenez. Côté spiritualité, Maya était riche à souhait. J'aurais eu tant de choses à te dire, j'aurais eu tant de choses à te dire, j'aurais eu tant de choses à te dire, j'aurais eu tant de choses, j'aurais eu tant de choses à te dire. Avec toi moi aussi je pars, j'aimerais revoir ton sourire et communier une dernière fois. Maya avait un cœur si gros qu'il n'aurait jamais fait défaut. Aucun gène, aucune maladie n'aurait pu avoir pris sur lui. C'est tout lâchement au cerveau qu'elle lui a fait son numéro, infligeant une double tumeur, inopérable au bout tu meurs. Depuis quelques heures t'es plus là, je ne peux que penser à toi. J'espère un jour te retrouver, que pour ça je vais continuer. J'aurais eu tant de choses à vous dire. J'aurais eu tant de choses à vous dire. J'aurais eu tant de choses à vous dire. J'aurais eu tant de choses. J'aurais eu tant de choses à vous dire. Dernière phrase sur son dernier lit. Mais ce qu'elle n'a pas pu nous dire, qu'elle dorme en paix, on l'a compris. Dany des rues, Maya, en hommage à sa tante. Et ça, c'était un extrait d'un album compilation, hein, ce temps compile, puisque il y avait une autre version, mais Dany préférait celle-ci, et je comprends pourquoi. En tout cas, il y a une autre version, quoi, plus simple dans la maquette des... Oui, enfin, elle est plus... Plus épurée. Elle est plus basique, et puis je trouve que cette ligne de basse que Vincent a trouvée, elle déchire, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais absolument que t'aies celle-là, quoi. Et quand on parle de basse, alors on pense à Tony, en tout cas pour les salopettes acoustiques, hein, vous l'avez compris. Cet homme fait tout, il écrit, il compose, il chante, il joue de tous les instruments. Ça va. Et dans les salopettes acoustiques, c'est de la basse. Et c'est en l'occurrence le troisième bassiste que j'ai depuis 30 ans qui me fait ces lignes que j'adore. Non mais attends, non, j'en ai eu d'autres. Ah oui. Mais le troisième, j'ai eu Vincent et j'ai eu Jérémy Schneider. Dont tu parlais tout à l'heure. Le frère de Jérôme Schneider de Matchies. Oui. Jérémy... Qui est incroyable à la basse. Ben j'en ai eu trois. J'ai eu Vincent, Tony et Jérémy qui font ces basses mélodiques, ces basses qui dansent. J'adore ces lignes de basse là. Voilà. Dany des rues, 30 ans en musique, il les fêtera. Hein. Ça sera le samedi 15 décembre du côté de Metz au Trinitaire, ancien couvent. Mais oui, oui, tout à fait. Dis donc, tu es rencardé pour quelqu'un qui a 150 km de là. Mais quand même. Et on peut déjà réserver sa place. C'est même recommandé, hein, parce qu'il y a pas énormément de place. Ah oui, c'est vraiment recommandé parce que ça sera plein. Mais oui, et puis c'est un moment assez unique, comme tu l'avais vécu pour les 25 ans, il y a 5 ans. Exactement. Là, et puis il y a des surprises, c'est pour ça que Dany n'a pas voulu tout nous dire concernant le contenu. Et puis je sais pas trop où je vais, je veux pas m'avancer dans des choses, affirmer des choses qui se feront peut-être pas, mais j'ai une idée de ce que je veux faire. Et je le disais, hein, je crois que c'est notamment, après vous verrez, vous tapez Dany des rues, sur Digitech par exemple on peut... Oui bien sûr, c'est déjà, la location est déjà lancée, je crois qu'il y a déjà une vingtaine de billets de partie, je dis qu'il y a 92 places, hein, il y a une vingtaine de billets qui sont déjà partis, voilà. Tu disais tout à l'heure que ça soit pour faire jouer les salopettes, ou pour faire jouer Dany des rues, ou pour le livre, ton autobiographie, le Busker Keaton, ou pour tes albums, on peut te contacter notamment via la page Facebook. Oui, mais même pour Tony Fomblard, je suis son manager. Ah oui, c'est ça. Et donc vous pouvez m'appeler, je vais essayer de prendre une commission savon sur son cachet. Et je vais essayer de le donc vous m'appelez. Vous ne l'appelez pas lui en direct, vous m'appelez moi. Exact. Et j'essaye de placer comme ça Tony Fomblard. Au 06 03 93 00 50 06 03 93 00 50, et vous pourrez négocier, vous pourrez faire un package, hein, peut-être Fomblard plus Dany des rues plus les salopettes. Alors un festival salopette acoustique avec les Friends autour, bah oui, on est pour, hein. Oui. Dany and Friends, ça le ferait, ça. Bon, c'est pas Dany, du coup c'est salopette acoustique and Friends plutôt. Et en tout cas, par rapport à tes albums, on le disait 24, là il n'y en a plus que 8 qui sont... par exemple, je parlais de l'album que j'aime, Restaurant à volonté. Celui-ci, c'est bien si vous l'avez, parce que toi tu n'en vends plus, il est épuisé. Apparemment. Oui, je crois que j'en ai peut-être un ou deux, mais vraiment il est épuisé. Il y en a que 8. Je ne les vends pas. Il n'y en a que 8, c'est-à-dire 1 sur 3, je suis bon en maths. Ouais, c'est ça. Qui sont encore disponibles. Ouais. Mais toi, tu les as quand même. Tu sais quoi, j'ai deux enfants et j'en ai gardé deux de chaque pour mes enfants. J'en ai gardé deux de chaque, mais sinon, non, j'ai plus rien. Hein. Non. Tony, alors toi, tes albums, on le disait, alors ils sont disponibles en fichier numérique sur Jamel 2 Musique. Oui. Entre autres, tu les vends aussi, ils sont aussi présents, tu les vends matériellement oui. parlant. Oui, ils existent en physique. Voilà, j'ai une belle physique. Collection chez moi, grande comme ça. Et voilà. Tout comme Tani et les Salopettes Acoustiques, on peut les acheter. Par exemple, ce soir, ceux qui iraient voir les Salopettes Acoustiques en concert à Gérardmer, au camping des Myrtilles, à partir de 20h, hein, soyez là même un peu avant, ça se trouve, hein, le camping des Myrtilles, pour ceux qui ne sauraient pas, qui ont peur de se perdre, au 102 chemin des Barrues. Et l'entrée est libre, et en plus, vous pourrez aussi avoir les albums de chaque oui, notamment... prix libre. Notamment, une des dernières participations qu'on a faites, c'est un deux titres qui s'appelle Tropicool de l'écrivain Thierry Schmalz, qui nous a demandé de réaliser, de produire son single de titre. Ce qu'on a fait, et donc on a écrit les musiques. Et Tony a chanté, réalisé, enregistré les instruments. Enfin, et non, les clips j'ai fait aussi. La guitare, moi, il y a les clips, on peut les voir sur notamment la chaîne YouTube de Tony Fomblard. Ouais, ouais. Il y a le clip de Camping Erika. D'ailleurs, on est en Camping des Myrtilles ce soir. Un très grand titre. Voilà. Camping Erika, c'est plutôt un bon titre. Ouais. Et l'écrivain Thierry Schmalz qui deviendra un jour très très célèbre. Ouais, c'est vrai, quelqu'un lui a dit. Il est de Moselle également ? Oui, il est de Delme. Tony, on a un petit peu tout à l'heure, mais maintenant j'aimerais que tu développes là-dessus. Hein. On parle de spectacle au sens large. Par exemple, avec Danus. Danus Derry. Danus se met au show, hein, ton Danus spectacle. Danus Derry. Danny se met au show quand il n'est pas dans la rue, quand il est sur scène, bah, c'est son spectacle d'une heure trente. Tu chantes et puis tu joues aussi. Toi, c'est aussi ce que tu aimes faire, Tony. Tu proposes différents spectacles. Il y en avait un que j'avais noté. Hein, et maintenant, vous le savez, si vous avez écouté, il est tout jeune, Tony. Il est de 91 et il a fait un spectacle. Enfin, il propose un spectacle là aussi. Si vous contactez Danny, je vais y arriver. Danus. Danus Derry. T'avais raison, Tony. Je ne sais plus si tu le disais en off. C'est une contre-pétrie. Avec le temps qui passe et la chaleur, tout ça, on va commencer à dire des bêtises. C'est là que ça devient intéressant. Contre-pétrie est très d'à propos. Et les contre-pétries, ça va bien avec Tony. Vous allez le voir, il a des choses. Contre-pétrie en deux mots avec Tony. Il aime péter. Oui, ben c'est ça. On va voir. J'allais dire comment. J'adore péter. Et pourquoi ? Il y a un spectacle, mais il n'y a pas que celui-là. La douteuse pilosité. Il adore se la péter. Laissez parler l'animateur. Mais oui. Il a fait titre. Oh, quel malpolice, Dany. Il aime ce quoi, t'as dit ? Se la péter. Ah. Ah oui, là, fallait dérouler le tapis rouge pour Dany. Pour celle-là, ça méritait qu'on l'écoute. Ouais, voilà, c'est vrai. Oui, vas-y, non, finis ta question, je oui, te perturbe. Non, c'est pas une question. Je te dis. Oui, le spectacle, La douteuse pilosité des enfants de 1991. Ouais. C'est l'année de ta naissance. Et vous ne le voyez pas, mais moi, je l'ai devant moi. Et il y a une pilosité, effectivement. Douteuse, je ne sais pas, mais présente. C'est parce que je joue lundi à Metz, c'est pour ça. Ah ouais. En fait, c'est un spectacle où je m'épile. On dirait Demis Roussos. Je ressemble à non, bah, pour les auditeurs, plus. Je ressemble à Demis Roussos. Mais oui, la barbe et tout. En plus maigre et en moins grec. Et donc, c'est un spectacle où je chante. Et puis, à un moment dans le spectacle, bon, faut le voir. Hein, je peux pas tout expliquer. En tout cas, voilà, il y a une épilation. Enfin, je me rase en tout cas. Ouais. Mais tu fais pas mal de performances différentes. Hein. Moi, j'avais noté, par exemple, pendant 45 minutes, tu t'es mis à manger un cassoulet devant un public en écoutant de la musique et en buvant rouge, je sais pas, mais un verre de rouge. En première partie de Didier Super, ouais. Ah, ouais, c'était la première partie. Ouais. On en vient au deuxième Didier. Hein, vous avez compris. Tony est un pote à Didier Vampas. Ah ben, ouais. Il a aussi été en première partie de Didier Super récemment, et c'était pour cette performance. Ouais, j'aime bien que les gens repartent en ayant vu un truc. Alors en l'occurrence, c'est une farce. Il s'est pas passé que ça. C'est dans le spectacle, à un moment je m'épile et à un moment je mange du cassoulet en slip. En chantant. Oui, j'ai tout pas précisé que c'était en slip. C'est du théâtre en fait. Mais j'aime bien que les gens repartent en ayant vu un truc, en ayant un truc à raconter au bureau le lendemain. C'est super important. Et est-ce que t'as eu est-ce que t'as du retour du public ? Est-ce qu'ils te disent des choses sur cette performance, par exemple ? Ah ouais, ils ont bien aimé. Hein, ils ont bien aimé parce que c'est une pièce de théâtre comique où les actions, je les fais en vrai. Je fais pas semblant de manger un cassoulet ou de me disputer avec un chat et m'étaler du caca sur le corps. Je le fais vraiment quoi. Juste à la fin, je me suicide pas vraiment, quoi. À la fin, il y a un suicide. Je me mets une balle dans la tête. Ça, évidemment, c'est pour de faux. Mais sinon, les gens aiment cette performance, ouais, parce qu'ils voient du vrai. Et en même temps, c'est très drôle. C'est une pièce qui est très drôle. Faut la voir. Et ça allait bien en première partie du spectacle de Didier Super. Ouais, bah ouais, du coup. Ça correspondait. Ouais, c'est ça. Et Didier Super, lui, il t'a dit quelques mots, t'as échangé avec Il m'a dit, j'ai vu les 10 premières minutes du spectacle, et puis quand j'ai vu ce que tu faisais, j'avais pas envie d'être déconcentré, vu que je jouais après, donc je me suis cassé. Il a vu le début du spectacle, et il s'est cassé, voilà, par peur d'être déconcentré. Parce que vraiment, avant un spectacle, faut s'isoler une demi-heure. Hein. Je comprends qu'il puisse pas voir quoi, des choses comme ça. Au moment que tu dis que Didier Super s'est cassé, c'est Danny Desrues qui s'est cassé. Ouais. Ah mais c'est pas grave, hein. Sinon, je fais une chanson. Si t'as plus de questions, je fais une chanson. J'ai toujours des questions, mais c'était effectivement le moment d'une chanson, puisqu'on a parlé de, si je ne me trompe, tous tes groupes, c'est-à-dire, récapitulons, Les Fomblards, Lorelai, Invincible, Cunted, Cunts. Il y avait déjà Tony et Clem aussi. Il y avait Tony tout seul et puis ouais. Celui dont on n'a pas parlé, eh ben c'est les Rapaces de l'espace. Les Rapaces de l'espace, ouais. Et donc on les a tous cités, hein. À part, et on les a tous écoutés. Alors là, ce qu'il y a de bien avec toi, comme ce sont tous tes groupes, des fois tu es chanteur, guitariste, ça dépend du groupe, mais en tout cas souvent c'est toi qui écris les morceaux. Ouais. Et donc tu peux les jouer d'un groupe à l'autre ou en solo, c'est bien, ils t'appartiennent. Ouais. Et là, on va écouter un extrait. Je trouve que c'est ton titre phare. J'ai cru que j'allais faire un truc. Ah bah tu pourras en faire un si tu veux, mais je veux quand même le faire entendre aux auditeurs parce que c'est en live. En plus, je pense que ça représente bien ce que tu fais, le live. Et puis vous irez voir, vous tapez les Rapaces de l'espace et notamment dans le Bandcamp, il y a un album qui s'appelle Palais des Sports 71. Déjà, j'adore le visuel. On parlait parce que ça fait penser justement à ces groupes rock des années 70. Ouais. C'est totalement le visuel avec l'écriture pareille. Comme donc si vous aviez joué au Palais des Sports 71, sauf que là, c'était tourné à Sierck-les-Bains. Ouais. Et il y a notamment d'ailleurs la chanteuse des Burning Lady, mais en version plus énervée. On aurait dû l'appeler Sierck-les-Bains 2018 en fait, pour être franc, mais bon, c'était moins classe quoi. Et il y avait Je suis punk et je t'emmerde, qu'on a entendu tout à l'heure dans un extrait avec Didier Vampas. Là on va l'entendre en entier, je trouve que ça serait plutôt pas mal. Et puis comme ça on aura passé on va passer tous les groupes, même celui-là, donc tu l'avais écrit, c'était pour quel groupe à la base? Ah, ça, c'était pour Les Fomblards, il y a 10 ans. Bah oui. Ouais, c'est une vieille chanson. Mais l'adapte de groupe en groupe. Hein. Et tu la joues même, par exemple, ce soir à Gérardmer avec les Salopettes acoustiques. Ouais, voilà, c'est pour en acoustique. Ouais, je la joue tout le temps, en fait. Je peux rarement faire un concert sans la jouer, ouais. Et donc, c'est aussi, tout à l'heure, on parlait avec Dany de certains titres, comme Schtroumpf, par exemple, Mourir Vieux, etc. Des titres phares. Toi, c'est le tien, c'est un des tiens, celui-là. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est celui-ci, le plus phare, ouais. Me fout la gêne. fulgence. Mais je peux me le permettre, car comme le dit proverbe, je suis pas que je t'emmerde. Wow, je suis pas que je t'emmerde. Je suis pas que je t'emmerde. Wow, je suis pas que je t'emmerde. Les Rapaces de l'espace, un des groupes de Tony Fomblard, et ce titre emblématique, Je suis punk et je t'emmerde. Ouais, voilà, un tube. Ça a le mérite d'être clair. Oui, et j'en ai fait des t-shirts aussi, alors je sais pas si tu as trouvé ça. Je vais dire pourquoi on est bien dans le 88 aussi, c'est que il se trouve que quand on fait des radios, télé à Metz, les interviews ont plutôt tendance à focaliser sur moi et parler très peu de Tony. C'est toujours moi qui dois lancer l'animateur sur Tony et dire, en fait, il y a Tony qui est là, tu peux parler de lui. Et là, tu es démocratiquement à parler de l'un et de l'autre équitablement, je trouve. Donc, on est super content parce que tu parles des deux carrières musicales. Donc, c'est vachement bien, je trouve. C'est vachement bien pour Tony. Dany est plus connu que moi et surtout, il a plein de potes qui travaillent. Non, mais à Metz, on va se calmer. Hein. À Metz, je suis plus connu, mais... Même ici, je pense, mais en attendant, on sait recevoir. Ah bah quand même. Et en général, quand on fait des radios, c'est on accueille Dany Desrues, ouais, avec un petit pote qui l'accompagne. Ouais, ouais, c'est un peu con ça. Ça me dérange pas. Enfin, je dis, c'est normal. Il hein. y a l'âge. La vieillesse est voilà. Un naufrage. On a cette. C'est normal. Je vais pas m'en plaindre. Puis voilà, quand j'aurai vendu plein de disques comme Julien Doré, ce sera l'inverse. Ah putain. À propos de Julien Doré ou d'autres. Le principe punk, c'est aussi ça. Je crois que tu le fais. Ces petits bruits, hein, c'est Tony. Non, ce n'est pas son spectacle. Hein, vous irez le voir. Peut-être qu'il le jouera dans les Vosges. La douteuse pilosité des enfants de 1991. Je ne sais pas. En tout cas, il aime bien les bruits. Hein, il casse les micros, par exemple. Après, il dit que ça sature, mais c'est lui qui pète tout. Et, d'ailleurs, ça lui va bien. Hein, on en revient à ça. Et donc, par rapport à Tony, bah vous pouvez aller hein, de toute façon sur internet, vous tapez Tony Fomblard, F-O-M-B-L-A-R-D, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper, et vous verrez, il y a de quoi, mais pendant des jours, écoutez, regardez, que ça soit sur les pages, parce qu'il y en a plusieurs hein, pour chaque groupe, les pages Facebook, il y a aussi la chaîne YouTube. Mais ce qui est bien, Tony, c'est que tu regroupes tout ça. À un moment, on arrive quand même à recouper nous-mêmes. Tout est, par exemple, sur la chaîne YouTube, il y a tout ce que tu proposes, selon les identités, peu importe, c'est toi. Les clips, je dirais que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que je saurais même pas conseiller des albums aux gens, parce qu'il y en a beaucoup, et je sais même pas si c'est bon ou pas. Que ça vient de moi, comment veux-tu que je juge? Je sais pas si c'est bon ou pas les albums. Les clips, par contre, j'en suis certain, c'est rigolo. Ouais, on peut aller voir les clips. Après, on en revient à la subjectivité en art. Je veux dire, c'est du feeling, bon, pas bon. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Après, vous, ce que vous le faites sincèrement, vous êtes authentique. Et c'est ça qui compte. En tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport au côté punk, bah, reprendre des chansons un petit peu kitsch, ça c'est punk, ça tu le fais aussi Tony toujours ouais, encore au concert de lundi qui vient, tout ça ouais, je reprends beaucoup de chansons kitsch. Comme quoi? Par exemple lundi ce sera Laurie, j'en reprends une de Trio, j'en reprends du Maître Gims. Stop, tu nous écoutes et tu te dis oh j'écoute très bien Laurie version Tony Fomblard. Alors À la basse acoustique, c'est possible? Non, mais à la guitare, il peut le faire. À la guitare, oui, acoustique. À la guitare? Prends la guitare. Ouais. Oui, alors, c'est échange d'instruments. Tony a emprunté la guitare à Dany. Parce qu'elle a assez d'argent, Laurie. Hein. Ouais, je pense. D'autant plus qu'elle n'écrit pas ses chansons, donc ça lui servira à rien. En plus, voilà. Ah, attends, je vais sonoriser la guitare, ça ira mieux. Ah, c'est du direct, hein. Tu me dis quand c'est bon, hein. Ah bah c'est bon. Ah c'est bon. Bah t'entends. On se connaît depuis quelques temps, même si on se parlait peu souvent, c'est vrai. Tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Je te sens si fragile, le cœur à découvert. J'ai envie qu'on se parle de tout et de rien. car je resterai ta meilleure amie. Je serai là toujours pour toi, n'importe où quand tu voudras. Je serai toujours la même, un peu bohème, prête à faire des folies. Je serai, même si la vie nous sépare, celle qui te redonnera l'espoir. On laissera rien au hasard, car tu sais que je resterai ta meilleure amie. Wouh ! Merci Tony Fonda. Bah c'est ouais. Bon du coup c'était à l'acoustique, du coup c'était plus punk. On peut pas faire du punk à l'acoustique. Alors je ne suis pas d'accord. Ouais. Puisque encore une fois c'est la démarche qui compte. Oui, ouais d'accord. Moi je trouve. Ok, ça saturait pas trop là parce que j'ai crié là. Hein. T'inquiète. Bon ok, vous êtes des pros. Hein. Ouais, des pros chez moi, hein, mais en tout cas. Tu peux le tutoyer. Hein. Bah oui. Ouais. Non c'est pour faire genre il y a une équipe et ouais, tout. Ah ouais ouais. Ah c'est bien ça. Et je suis plusieurs. Mais oui. Ouais. Schizophrène. Ouais. Le temps que tu tiens la guitare de Dany, moi, c'est vrai que ce qu'on n'a pas passé pour l'instant, on a passé tous tes groupes, mais pas de titres solo. On a passé notamment le duo avec Clem, Gaga de toi, et puis en solo, est-ce que tu voudrais nous jouer un morceau? Alors, je vais faire un petit morceau de moi solo, comme ça la boucle sera bouclée. Ouais, est-ce qu'il y en a un que tu préfères jouer, dont tu es le plus fier peut-être? Dont je suis le plus fier, non, je saurais pas trop, mais un que je joue pas souvent en public et que j'aime jouer chez moi, et que du coup là c'est l'occasion parce que j'ai l'impression qu'on est entre potes et l'ambiance est bonne. Alors du coup je vais la faire voilà. Elle s'appelle En matière d'onanisme. Voilà. Tu veux dire un truc, Dany? T'es un branleur. À l'avenir ne compte plus sur moi pour marcher dans ce jeu de forçats. Tu m'as pris pour celui qui te tire, moi qui suis accro à ton sourire. J'ai décidé d'arrêter les femmes, j'ai décidé de laver mon âme. Terminé ton petit cul et ton strabisme. Maintenant je t'aime en matière d'onanisme. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Et je me branle, branle, libre et apaisé. Et je me branle, branle, branle. Et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Dans la vie, faut suffire à soi-même. Se masturber en se disant je t'aime. L'amour est un pion du capitalisme. Mais moi je t'aime en matière d'onanisme. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Ouais, je me branle, branle dans mon 20 mètres carrés. Et je me branle, branle, branle. Et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Le curry moulu me sauve la vie. Je mange et je compose toutes les nuits. Toi tu crèves seul dans ton spiritisme. Mais moi je t'aime en matière d'onanisme. Et je me branle, branle, branle toute la journée. Allez! Et je me branle, branle, libre et apaisé. Et je me branle, branle, branle. Et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Allez! Je me branle toute la journée. Seul dans mon 20 mètres carrés. Et je me branle, branle, branle. Et je me branle, branle, branle. Mais t'en fais pas bébé, je t'oublierai jamais. Ouh. le bas de combat dans le studio de Radio Gamozo avec Tony Fomblard. C'était rien que pour vous. Comme voilà, ça. C'était exclu, je l'ai jamais joué, en fait en public. Mais voilà. On peut l'écouter quand même, et c'est sur un de tes albums. Ouais. Vous tapez Tony Fomblard et vous trouverez. Tous les albums sont disponibles, puis vous pourrez aussi en acheter si vous voulez. Tony les a avec lui ce soir quand vous irez voir les Salopettes Acoustiques. Tony et Dany, ce sera au camping des Myrtilles à Gérardmer, au 102 chemin des Barrues, à 20h, le début du concert. Et voilà, en plus ça sera sympa, puisque si vous avez écouté l'émission, vous pourrez leur parler, vous qui nous écoutez, hein, vous pourrez parler à Dany et Tony des moments qui vous ont plu. Peut-être celui-ci, et demander cette chanson, Salopette à Dany. Ça, les morceaux, certains morceaux de Tony, c'est des morceaux que tu jouerais pas, si ? Par exemple, celui-là. Non, celui-là, je suis pas de ouf autour. Mais parce qu'on est peut-être un peu familial dans les Salopettes Acoustiques. Tu sais, on a déjà un problème parce qu'on joue Je suis punk et je t'emmerde en alternance comme ça, parce que des fois on a un public un peu familial devant et on se dit est-ce qu'on peut là, est-ce qu'on peut pas. On aime bien la jouer, hein, mais on la joue une fois sur deux du coup. Voilà, pour cette raison-là. Mais toi, est-ce que tu te mets, par exemple, des barrières ? On a compris que Tony, lui, n'en avait pas. Ouais, on est d'accord, mais oui, parce qu'on n'est pas dans un... des fois on est à l'air libre, hein, t'imagines, quand on est dans des estivales, c'est comme la fête de la musique, quoi. Donc c'est peut-être pas se retrouver dans un caveau comme Tony a l'habitude de se produire et être devant un public peut-être initié avec un macaron interdit aux moins de 18 ans à l'entrée, quoi. Enfin, oui. Voilà. Donc ça on a conscience qu'on a une envie mainstream, j'ai envie de dire, de présenter quelque chose de fédérateur et d'universel. Et donc on n'est peut-être pas forcément dans la provo qu'on pourrait se pourvoir sur nos disques respectifs ouais. Et personnels. Mais cette chanson, c'est pas de la provo, c'est l'histoire de ma vie. Hein, c'est voilà, en l'occurrence. Puis donc, c'est pas forcément les Salopettes Acoustiques son propos à lui. Et c'est ça qui est super génial, toujours dans les projets artistiques, hein, c'est que forcément... On est tous différents, des personnalités, et puis à un moment on va se retrouver sur des projets communs, sur, et c'est le cas pour vous deux, puisque tu le disais, Dany, au-delà de vos différences, y a une démarche quand même qui reste la même. Mais oui, et j'aime le concept des Salopettes Acoustiques. Quand je voyais par exemple Maud et moi, je prenais une pause et il y avait Maud et Tony qui jouaient des chansons des Salopettes Acoustiques, je devenais moi un spectateur des Salopettes Acoustiques. C'est-à-dire, ça, le groupe que j'ai fondé me dépasse, parce que je suis même pas sur scène, mais je regarde les autres jouer des chansons de Salopettes Acoustiques, ce qui veut dire que le concept Salopettes Acoustiques est fait pour dépasser les personnalités. En l'occurrence, c'est pas trop possible pour l'instant qu'il y ait des formules, par exemple Maud et Tony, parce que je suis quand même 90% responsable du premier album. Mais pour le deuxième album, ça sera carrément envisageable qu'il y ait des dates avec eux deux et où je sois pas là, par exemple, des formules un peu extensibles. Tant qu'il y a le label Salopette Acoustique, tout va bien. Mmh. Puis je dirais, au-delà de nos différences, des coups de gueule, des coups de sang, à force d'échanger nos silences, maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%, quoi. Alors là, tu vas avoir des soucis, à mon avis, avec la SACEM. Pourquoi ? Parce que c'est les paroles d'une chanson de Johnny Hallyday. Ah, semble. Merde ! Ah oui, non, mais j'avais même pas fait gaffe. Ouh la vache. Et d'ailleurs... Un nouveau nom vient d'apparaître dans l'affaire Johnny Hallyday, Laetitia et Laura, celui de Tony Fomblard. Et à propos, alors là, je peux pas vous le chercher parce que je sais plus c'est dans quel album, à moins que Tony me le dise, mais il y a une chanson de Johnny Hallyday. Je suis fan de Johnny Hallyday, donc sans doute il y a des reprises. Une chanson. Une chanson qui s'appelle Johnny Hallyday. Ah oui, j'avais entendu ça. Ouais, c'est dans le dernier album, Le Clochard Mystique. C'est sur sa mort. C'est sur sa mort, non ? C'est des paroles à la. Je m'amuse à écrire à la Nicolas Sirkis des fois, c'est-à-dire que je prends des mots au hasard et je fais des phrases avec. Cette chanson n'a pas vraiment de sens. C'est juste la métrique du mot qui m'intéresse et je pourrais pas dire la chanson de Johnny Hallyday parle de quoi. je sais pas, ça sonne bien. Alors, ce qui est toujours rigolo, hein, c'est que beaucoup essayent d'analyser les chansons, et j'ai pas envie de dire souvent, hein, non, mais parfois, pour des raisons que vient de citer Tony et bien d'autres, il n'y a pas un sens particulier. Celui qui écrit n'a pas. Ça t'est déjà arrivé, toi, Dani, d'écrire des chansons. Pourtant, on a l'impression que tes chansons sont bien. Tu veux dire quelque chose à chaque fois. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il y a eu des fois où ça a été pour d'autres raisons que plus une rythmique ou autre, la sonalité? Alors, j'ai une chanson qui s'appelle Le Moral à Zéro, que je pensais jouer à l'époque, c'était en 2000. Je pensais la jouer pour le jour de la sortie de l'album. Elle a une drôle d'ambiance, cette chanson. Elle est parfois, elle peut être, je sais pas, elle peut être drôle, mais poétique, et puis personnelle aussi, etc. Enfin, c'est une chanson un peu bizarre, une bizarreté, qui fait que je pensais la jouer juste le jour de la sortie de l'album. Et après ne plus la jouer, quoi. Vraiment, je pensais faire ça. Et en fait, les gens se sont tellement marrés que je finis tous mes concerts avec. Souvent, enfin bon, la plupart de mes concerts, je finis avec Le Moral à Zéro. Sur l'album Dany plante son arbre. Malheureusement, je l'ai pas, l'album là, donc je. Non, mais pas... sinon, il est sur Maquette Démo ou il est sur le Est-of. Non, le Est-of, t'as pas ce titre. Non, mais le Maquette Démo, il y est à la fin. Le Maquette Démo, d'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez toi, c'est-à-dire que, bon déjà, tout à l'heure tu le disais, mais je tiens à mettre l'accent dessus, c'est que on parle d'innombrables albums de Tony Fomblard, toi, tes albums, il y en a peut-être moins, mais à chaque fois, pas à chaque fois, mais il y en a quand même quelques-uns avec une trentaine de titres. Ouais, il y en a eu quelques-uns, maintenant je me suis calmé, maintenant on fait du 12 titres au format là, maintenant, c'est fini ça. Chez les Salopettes et chez Dany Desrues, pareil. Et c'est le cas aussi qu'on retrouve un morceau sur plusieurs albums. Ouais, parce que des fois je suis jamais content. Le Moral Zéro, je ne suis jamais content, toujours pas d'ailleurs. Tu changes la version à chaque fois. De la version, donc peut-être que je le referai un jour, mais je ne suis toujours pas content. Ah ben, jugez par vous-même. Le Moral à Zéro, Dany Desrues. À 16h, le champion. Amis des footballeurs, le cul dans un carton, des mauvais conducteurs. On trouve tout ça magique, c'est simple en vérité. Comment faire des petits Suisses, ben comme les petits Français. L'esquimau vers le bas, des glaçons qui sont fiers. La cantine n'aime pas, le bourgeois container. Souvent on croit attraper des oiseaux qui s'envolent. Mais le comble de la clé, c'est d'être mis à la porte. Ouverture de rideau, j'ai le moral à zéro. À 16h, la canaille épluche téléviseur. Enfin les retrouvailles des mauvais conducteurs. C'est elle la plus prudente, la maman allumette, qui dit à ses enfants jamais se gratter la tête. Le soir dans la basse-cour, immobile tout dans le style. Pendant deux ou trois jours, ça va pas être facile. Il y avait là une poule qui vit une autre poule. À la hospitalière, la vie à prendre un verre. Fermeture de rideau, j'ai le moral à zéro. De l'agent magazine, l'apparition d'un grand. Fermeture de cantine, sitôt un remplaçant. L'homme trouve à l'oxygène au 17e siècle. Je me demande souvent ce qu'il respirait avant. Nouvelle histoire d'Annie sans la princesse de Galles. Elle est au paradis, la pensée nous signale. Il faisait déjà nuit sur Paris. T'aurais mieux fait de prendre un taxi. Ta vie s'arrête ici, Lady Di. Lady Di, Lady Di, Lady Di, oh Lady. Ta vie s'arrête ici, Lady Di. copie de l'ampoule qui ne tient qu'à un fil. Fermeture de rideau, j'ai le moral à zéro. Boisson alcoolisée, servie dans les radios, l'odeur n'a pas de blé. Quand le vent tombe au chaud, je veux un verre de vin, blanc ou rouge ça fait rien, ça n'est pas important, moi je suis non-voyant. Gradé qui tient la barre, informel écouteur, enfin les retrouvailles des mauvais conducteurs. Chameau au dromadaire, que deviens-tu mon frère? Rien de spécial, je bosse, et toi je bosse, je bosse. Oubliez le rideau, j'ai le moral à zéro. Papier à la pensée, accusé de bon cœur, ma frangine vient de rentrer, renvoie l'expéditeur. Que fait ton frère Julien? Julien il ne fait rien. Et toi que fais-tu Fred? Bah moi mon frère je l'aide. Je tentais un pari, pas de bol et pas d'air. Aimera mes écrits dans la grâce de ses vers. J'ai perdu mon clébard, j'ai rien mis dans le canard. Ça servirait à rien, il sait pas lire mon chien. Oublié sous rideau, j'ai le moral à zéro. Mais non, c'est pas vrai, il a pas le moral à zéro, Danny Desrues, je l'ai devant moi. Il pète la forme, prêt pour vous retrouver ce soir à Gérardmer, au camping des Myrtilles, avec, j'allais dire, les Salopettes Bleues, je sais pas pourquoi, d'un coup j'ai eu envie, hein, les Salopettes Acoustiques, surtout que, oui, Danny, bon là, il a pas sa salopette, hein, mais il l'aura ce soir, lui, c'est la classique, hein, justement, bleue. Hein, ce soir, elle est verte. Ah, ah d'accord, moi je t'avais vu jusqu'à présent qu'avec oui, la classique je et je m'étais dit tiens c'est rigolo parce que les autres membres de du groupe quand il y en a d'autres, bah notamment déjà Tony sur une pochette que j'avais vu, pas la pochette de l'album Discount hein, mais une photo de promo, c'était orange, il y en avait un autre, elle était blanche la salopette, voilà, on peut en trouver toutes les couleurs, donc vous verrez ce soir Dani et sa salopette verte. Et toi, Tony, elle sera salopette rouge. Rouge ? Ouais. Et alors, ça va bien, la salopette, pour jouer ? C'est votre outil de travail aussi ? Alors, en ce moment, il fait chaud. Ouais. Et en ce moment, c'est pas facile de jouer avec une salopette, vraiment. Je voulais juste dire, en plus, avec ma barbe et tout, je suis vraiment bûcheron avec cette salopette. Ouais, puis tu seras torsionné en dessous. Tu peux non. pas avec les salopettes acoustiques, c'est pas possible. Non. T'as pas le droit. Ouais. Dani, il veut pas que tu sois torsionné. Ah si, non, on est nu, en fait, pour tout te dire. On est nu sous la salopette. On disait, hein, c'est vrai que tu avais expliqué le moral à zéro, ce titre, il y avait rien à ajouter dessus. Hein. Et dans les autres projets, alors je vais en profiter, hein, le temps que j'y pense, puisque je viens d'avoir le CD en main, on écoutera, avant de se quitter, un titre des Salopettes Acoustiques que vous puissiez vous préparer pour le concert de tout. Je dis ce soir, mais maintenant c'est plus ce soir, c'est tout à l'heure, hein, puisque c'est à 20h le début. Là, il est déjà 17h15. Oui, il va bientôt falloir que je vous laisse partir. Avant d'écouter, bon, d'échanger encore un petit peu, et puis d'écouter un dernier titre, des Salopettes acoustiques, on va écouter, puisqu'on l'a un peu évoqué tout à l'heure, le projet avec l'écrivain, l'auteur Thierry Schmalz, qui est de Moselle. Donc, Dany, tu en fais aussi partie de ce projet, et puis Tony a fait plus de choses sur le projet. Oh oui, oh oui. C'est un CD qui s'appelle Tropicool. Mmh. Je dois même peut-être accentuer sur le « ou ». Non, Tropicool, ça suffit. Il voulait s'appeler avec deux O. Ouais, normal. Mais en fait, c'était une marque de... Non, je sais plus, mais c'était déjà pris. C'était déjà pris, alors il a mis trois O. Voilà. C'est un CD deux titres. Deux titres. Que tu auras avec toi ce soir pour les Salopettes acoustiques. On pourra l'acheter ou pas? Oui. Oui, alors oui. Écoutez, si ça vous plaît, et puis si vous voulez écouter le deuxième morceau, parce que vous allez en entendre qu'un. Alors, je suis sûr que vous allez me dire, Mika, passe, Camping, Erika, c'est le single. Moi, j'aimerais passer le rock à la ferme. Vas-y, ouais. C'est mieux, ça change. J'ai le droit ? Ouais, elle est mieux en plus. De toute façon, j'irai voir sur la chaîne YouTube de Tony Fomblard, vous pourrez voir, il y a les deux clips, de toute façon. Ouais. T'as réalisé un clip pour chaque morceau. C'est ça, ouais, j'ai fait ce qu'on m'a demandé, voilà. Rock à la ferme. Ouais. Allez. Quand les canards font le bazar, chez moi il y a des choses bizarres. Les lapins jouent de la batterie et les poules poussent de grands cris. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends plus, je danse le rockabilly. Je vais laisser mes vieux sabots et prendre un peu de repos. Mais Mélanie me trouve beau, moi qui n'aime que le tango, qui fait des ravages. Je suis en âge. C'est le rock, c'est quoi? Le rockabilly. Et un, deux, trois, et c'est parti. C'est le rockabilly. Et un, deux, trois, ça continue. C'est le rockabilly. Et un, deux, trois, je n'en peux plus. C'est le rockabilly. Je ne sais plus où j'en suis. La nuit, je chante dans mon lit. Mais j'ai les patates à piocher. Ils ne veulent plus me lâcher. Ça y est, je décolle. Le voisin chante tout nu. Dans les rues du village, dans la ferme et la basse-cour. Le monde dans tous les sens court. Et même le grand-père saute en l'air. Et la grand-mère fait des misères. Rockabilly, tous avec moi pour faire la fête. On chante le rockabilly. Et un, deux, trois, encore plus fort. C'est le rockabilly. Et un, deux, trois, toujours plus fort. C'est le rockabilly. Et un, deux, trois, tous avec moi. C'est le rockabilly. Les vaches mâchent du chewing-gum, c'est le rockabilly. Et on met toute la gomme, c'est le rockabilly. C'est le rock, c'est quoi? Le rockabilly. Les patates, je m'en fous, c'est le rockabilly. On danse comme des fous, c'est le rockabilly. C'est le rock, c'est quoi? Le rockabilly. C'était Tropic Cool, un des projets de Tony Fomblard autour de l'écrivain Thierry Schmalz. C'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est bien Thierry le prénom. C'est Dany encore qui m'a trouvé le plan. C'est Dany, mon agent, quoi, qui m'a appelé un jour et puis qui m'a proposé cette curieuse histoire assez farfelue. Ouais. Ce qui m'a surpris, Tony Fomblard, je dis bien ça, je dis comme ça les gens auront bien marqué en tête le nom et pourront aller chercher sur Internet. Tu es un rocker à la base, punk. Tu as fait tes armes dans cette, j'allais dire, discipline, dans ce style musical. Ouais. Et tu aimes les synthés, c'est-à-dire, encore une fois, là, on peut te retrouver à faire un titre comme « Je suis punk et je t'emmerde hein », l'essence du message punk et l'énergie, comme ouais, on la rage, disait. Et puis, faire le synthé, comme tu disais, « Beau temps pis, années 80 », j'allais dire « Son pourri ». En tout cas, toi, t'aimes aussi ça, le synthé, et puis le côté un peu kitsch qui va avec. Ouais, c'est ça, faire deux choses complètement différentes. Ouais. Ouais. Ouais, en fait, je fais tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime écouter, j'essaie de le reproduire. Et ça depuis toujours. Et même niveau littérature, hein, ou vidéo d'ailleurs. J'imite les gens que j'aime bien. Voilà. Dany Deru, ça serait pas mal, puisque tout à l'heure, alors bien sûr, vous jetterez sur les quelques exemplaires restants du Busker Keaton, l'autobiographie de Dany Deru, si vous voulez savoir un petit peu son parcours. Et il a vécu des choses folles, que ça soit dans la rue ou ailleurs, avec ce parcours musical. Quelques anecdotes, Dany, ça serait bien. Tu sais, on aime les anecdotes concernant des personnes connues. Moi, je peux déjà dire, puisque je parlais d'Internet avec Tony, que ça soit sa chaîne YouTube, la tienne aussi, la chaîne de Dany Deru, et on peut, alors en plus du site internet, page Facebook, le site Dany vous recommande aussi, ça c'est pour les autres, c'est ceux que tu as envie de mettre en avant, ce que tu as aimé, et on peut voir en vidéo que Dany Aubert t'a cité justement par rapport à cette autobiographie. Bien sûr, c'est, vous irez voir la vidéo, Dany Deru, c'est rigolo puisque je vais dire ce qu'il dit en gros, hein, c'est que lui, il avait dit la nuit, il a eu ce fantasme de revenir à la rue, d'aller jouer dans la rue, tout comme ce Dany qui fait ça depuis 30 ans, il avait lu, il disait dans une nuit d'insomnie, il avait lu ton autobiographie. Oui. Et la boucle là aussi est bouclée puisque ça fait partie de ceux par téléphone que tu as aimé, que tu aimes toujours. Ouais. Ah oui, c'est mon idole. Et quelles autres anecdotes alors dans les rencontres? Alors une des plus insolites, c'est peut-être Lalanne. Lalanne, où je jouais devant la file d'attente, et quand il arrive, il me demande ce que je fais là, donc je lui dis, il n'y a pas de première partie dedans, donc je la fais dehors. Et il m'a dit, tu la fais pas dehors, tu la fais dedans. Et on est entré, il a dit à l'ingénieur du son, monsieur va faire le son, c'est la première partie. Et ben, je me suis retrouvé à faire le son, à jouer le soir en première partie. Grand seigneur, Francis Lalanne. Alors, souvent moqué, et puis on s'aperçoit que ceux qui vont être portés au nu, quand vous rencontrez des artistes renommés, en fait, c'est des connards, comme tu dirais. Et puis, qui est un connard? Non, mais je sais que, bon, je vais pas citer ici, mais on m'a déjà raconté, notamment dans les premières parties, des artistes locaux qui ont joué en première partie de vedette entre guillemets, qui n'étaient pas super bien reçus, quoi. Ouais, d'accord, tu me diras hors antenne, tiens. Et sinon, en tout cas, quelqu'un comme Francis Lalanne, qui est parfois mal vu, quand on le rencontre, il fait des choses, il propose des choses de super, quoi. Mais oui, très gentil, très très très gentil. On avait parlé à bon bout de la nuit parce qu'il dort quasi pas, et c'était vraiment passionnant, très intéressant. Il y a d'autres anecdotes comme ça dans les rencontres, notamment, moi, ce que je me dis, c'est que toi, quand vous jouez en concert dans une salle, un bar, etc., les gens viennent vous voir. Quand on est dans la rue, donc ils viennent peut-être aussi déjà conditionnés, on va passer à un bon moment, et on est dans cet esprit concert. Alors que dans la rue, finalement, ils sont tels quels, ils sont bruts, j'ai envie de dire. Et alors, comment ça se passe, toi? Est-ce que déjà, tu as des réactions. Est-ce qu'il y a eu des réactions marquantes? Est-ce que... Ce qui se passe, c'est que quand tu joues dans la rue, tu joues pour l'infini. C'est-à-dire, quand tu joues dans une salle ou dans un festival, tu joues pour une caste bien précise, pour de pourquoi pas les bobos certains jours, les beaufs d'un autre jour, enfin bon, ta clientèle, le parterre est défini de gens un peu communs, un peu similaires comme ça. Il n'y a pas ça dans la rue parce qu'on a un SDF qui on voit un avocat passer. Je me souviens toujours d'un soir parce que j'étais avec Bill Wyman, le bassiste des Rolling Stones, vers 1h du matin. Il se trouve que j'étais un petit moment dans les backstage ce soir-là au concert d'Amnéville de Bill Wyman il y a une dizaine d'années. Et le lendemain, donc au petit matin, j'étais joué dans la rue à Esch-sur-Alzette. Et il y a un SDF qui est sur un banc et qui me fait « Oh, tu peux jouer, tu peux bouger de là, me laisser la place et tout. » Et je trouvais que le contraste entre être avec, écoute, une éminence, un milliardaire, le bassiste des Rolling Stones quand même, Bill Wyman, comme ça, et quelques heures après se faire houspiller par un SDF dans la rue, te remet, si tu veux, les réalités de la vie à 360 degrés, quoi, d'une certaine manière. Voilà, bon. C'est une des anecdotes que je peux te raconter. Et certains te disent peut-être le bonheur que ça leur procure, un peu de musique dans leur vie, peut-être dans leur train-train. Il y en a qui s'arrêtent, il y en a qui passent, puis finalement ils te voient jouer, ils s'arrêtent. Et... Bah oui, ça se voit souvent qu'ils me disent des gentillesses. Oui, toutes ces choses-là arrivent depuis 30 ans. C'est très très agréable. Et puis c'est agréable aussi. Moi, je le redis, puisque Tony et moi, même si c'était pas le même concert, moi c'était pour Renaud à Gérardmer. Toi, Tony, c'était où, Renaud, que tu as vu en première partie? Parce que c'est une première partie, c'est là, dans la file d'attente, c'est une première partie. C'était au Galaxy d'Amnéville, tout simplement. Et moi, ce que j'avais aimé avec Tony, avec Dany, en plus, on était que trois à ce moment-là, on était arrivés très tôt, et c'est l'échange, c'est-à-dire que c'est super sympa de discuter avec toi, et il y a ce côté, vraiment convivial, et vous pourrez aussi, ça aussi, j'imagine que les artistes, c'est ce qu'ils me disent, vous aussi, apprécier cet échange que vous pouvez avoir avec ceux qui viennent vous voir jouer, ou que ça soit en salle ou dans la rue. Pas toujours. On était hier soir, on était au Potter La Cat, et il y a un mec qui nous a un peu collé, on dira pas qui, mais qui était un peu collant. Et c'est, disons, dans chaque bar d'ailleurs, c'est un peu une tradition. Il y a un mec un peu pot de colle comme ça qui ouais, est... tu dis ouais parce que j'ai fait le geste du nez, il était bourré. Voilà, il était alcoolisé et ça arrive pas, c'est dans tous les bars, il y en a un parce qu'il y a pas de place pour deux. Donc il y en a un, il est comme ça, et souvent tu sais que quand tu joues dans un bar, il est là, celui-là. Voilà, faut combiner avec. Et moi, j'ai déjà été surpris de comment, par exemple, je me rappelle du groupe Alifère, entre autres, au bar Le Grattoir, Aurore la chanteuse, un groupe qui n'existe plus, mais comment elle gérait bien. J'ai l'impression que vous avez l'habitude, comme c'est tous les soirs, vous avez l'habitude de les gérer. Alors je les programme, Alifère, parce que j'organise un festival de... Ça n'existe plus, Alifère. Non, mais ils font des one-shot des fois. Et je les programme. Un festival de filles qui aura lieu au mois de décembre, des filles qui sont dans la veine de Kate Bush. Alors elle vient avec le samedi avec son projet solo qui s'appelle Miracetti. C'est pour les enfants ? Non, c'est pas le truc pour les enfants. Elle vient avec son truc adulte qui est dans la veine des Camille, Tori Amos et compagnie. Et le lendemain, elle est aussi avec Alifère, parce que Jean-Pascal Beaufaux, l'autre son alter ego, joue lui avec Alice Arthur en ouverture le dimanche. Et donc après, il y aura Alifère en reformation très occasionnelle. C'est de temps en temps, faut vraiment leur demander, mais ils se privent pas parce qu'ils aiment bien. Hein. Mais voilà, ça sera une one shot d'Alifère comme il y a eu ça il y a 2-3 ans. Voilà. Ça tombe bien, Dany. C'est le moment où on dit justement les rendez-vous. Donc on peut te retrouver aussi comme organisateur. Il se trouve que j'étais à un concert de Tori Amos il y a un an, je crois, et je voyais ce concert à l'atelier, et je voyais une dizaine d'artistes, de chanteuses qui sont dans cette veine, comme Cole, Lioven, Léla Frit, etc. Et je me disais, toutes ces filles-là, des chanteuses lorraines, auraient pu faire la première partie de Tori Amos, quoi. Et j'en ai parlé au Mauro, le patron du Gueulard à Nilvange, qui m'a dit, mais dis donc, faudrait faire un festival, alors, si c'est ça. Et du coup, j'ai soumis l'idée aux filles. Je leur ai dit, dis donc, ça vous dit qu'on fasse un festival avec vous toutes, là Et elles ont toutes dit... Alors moi, je coordonne, du coup, la programmation des 3 jours. Mais je suis pas non plus l'organisateur. Ça se passe au Gueulard à Nilvange. j'ai un peu lancé l'affaire, quoi. Voilà. On va, avant de vous laisser partir, écouter un dernier titre des Salopettes Acoustiques, que vous soyez bien raccord, vous qui écoutez, notamment avec les paroles, que vous soyez prêts pour le concert tout à l'heure au camping des Myrtilles à Gérardmer à 20h, entrée libre. Et moi, je souhaitais passer ce titre là, parce qu'il y a notamment une phrase qui m'a bien plu, on pourra en revenir en quelques instants, Dany, on va vous laisser partir, mais dessus, vous écouterez bien les paroles, c'est le titre qui ouvre l'album. Ah, d'un seul trait. C'est une histoire que je raconte, abreuvée dans la différence. Une belle envie d'offrir un conte qui sonnerait comme une romance. D'un seul trait, elle est instinctive et coule comme une eau de fée. Bien loin de toute prérogative, d'où plaisir de nous ambiancer. D'un seul trait, j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager. Tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Il était les chaleurs d'été et les dessins de marionnettes, puis les musiques m'ont enivré. Jeune adulte comptait la recette. Ensuite plein d'espoir dans les bars, égayé tant de files d'attente. Les amours tantôt blancs ou noirs, pour des euphories remontantes. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager. Tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Fatigante sophistication, de ma patience a eu raison. La magie peut parfois jaillir, d'un seul trait sera mon empire. Bien loin de l'esthète prétentieux, un moment de nos vies en mieux. L'ultime profit de cet instant, qui nous confirme que tout fout le camp. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager. Tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. D'un seul trait j'écris mon histoire, j'en profite pour la partager. Tant je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Les Salopettes Acoustiques, Dany Desrues et Tony Fomblard seront ce soir, je le redis, au camping des Myrtilles à Gérardmer. Enfin, ce soir, tout de suite presque. Hein. Tout à l'heure, je vais les laisser partir à 20h. C'est le camping des Myrtilles, c'est 102 chemin des Barrues à Gérardmer. L'entrée est libre. Vous pourrez parler avec eux, les écouter, bien évidemment, les regarder, acheter leurs CD. Vous verrez, ça sera un moment fort sympathique. Oui, Dany, et puis Tony, donc votre premier album, hein, Discount, les Salopettes Acoustiques, c'est ce titre d'un seul trait, c'est celui qui ouvre. Moi, ça m'a plu, notamment pour cette phrase. D'un seul trait, j'écris mon histoire. Pourtant, je sais qu'elle n'a rien à voir avec ce que vous consommez. Est-ce que ça résume aussi un peu l'album, tu disais, Discount. Est-ce que tout est dit là, dans cette phrase? Oui, enfin, c'est surtout que j'ai bonne conscience que ma vie, tout simplement, quand je dis que je raconte mon histoire, et j'ai bien conscience que ma vie est unique. Et que tout le monde devrait avoir cette conscience là, mais moi ma vie que j'ai depuis 48 ans avec ses bonnes et mauvaises nouvelles, elle est la mienne, elle est unique, et je la raconte parce que personne d'autre mieux que moi peut la raconter, quoi, du coup. Alors, c'est une magnifique fin pour cette émission en format, vous allez comprendre pourquoi. On va se dire au revoir, à moins que Tony t'ait aussi un mot à dire. J'aurais préféré que non, puisque là, ça correspond bien à ce qu'a dit Dany. Non, je déconne. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? T'as quelque chose? Je vais faire un bisou aux gens qui écoutent. Je vais faire un bisou à mon ami Louis Egoïne. Puis, bon, voilà, c'est tout. Hein. Non, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire à ma mère aussi. Et puis voilà. Et j'ai pas, j'avais dit en off, j'ai oublié, tu voulais qu'on passe un extrait d'un groupe de potes. C'est ça, une chanson du groupe, Les Repucelés. Ouais, Les Repucelés, qui s'appelle Francis H. Qui est une très bonne chanson française. C'est la French Touch, hein, c'est la nouvelle vague. Et j'adore ça. Ouais, ça lui aurait fait plaisir, ouais. Tapez dans votre moteur de recherche, Les Repucelés, puis vous écouterez par vous-même. C'est super, ouais, c'est super. Peut-être qu'il pourrait venir ici. Ah bah oui, à l'occasion. Tiens, ouais. Oui, pourquoi pas, on ferait une émission tous les deux pour qu'il présente son projet. Voilà. Et tout. Ouais, parce qu'il va sortir un album bientôt, ouais. Eh ben, ça sera l'occasion. On prendra rendez-vous, Tony. Oui, pour le parcours musical des deux, hein, mais de Dany, puisque il y a quand même un peu plus de bouteilles, hein, puisque Tony a 26 ans. Dany, tu nous parlais tout à l'heure, je trouvais que c'était excellent cette démarche d'avoir sorti. Alors, on va dire un album ou un single, je sais pas. J'ai grandi en rêvant, qui veut tout dire, hein, qui est ton histoire, et c'est pour ça que je disais que ça finissait bien, et qui était un format radio, 4 minutes 5, et un format de 63 minutes 50, qui raconte l'histoire. Donc, ce qu'on va faire, tu t'en doutes, maintenant, tu l'as compris. Tu vas le passer. Mais bien évidemment, on est dans le format ou pas? Et alors là, t'exploses tout au niveau de l'audio. Là, on est les plus longs. Non, sauf que là, ça va être en dehors de l'émission, parce que je vais mettre le générique, on va se dire au revoir, et vous allez écouter. Parce qu'il faut que la maquette. Mais oui. Et vous écouterez par vous-même, et puis vous irez parler avec Dany, peut-être qu'il en a encore, je suis pas sûr. Hein. J'ai grandi en rêvant, c'est plus. J'en ai quelques-uns, là, dans la voiture. J'en ai quelques-uns. Donc écoutez, et puis parlez-en avec Dany ce soir. Au camping des Myrtilles à Gérard, mais générique de hors format, et puis Dany Desrues, J'ai grandi en rêvant, version longue, vous saurez tout sur sa vie. Dans les moindres détails. Oui. Messieurs, on se dit quoi? À bientôt, on va se revoir. Oui, à très bientôt, j'espère bien. J'espère qu'on pourra te revoir. T'es un amour, hein. On a adoré l'émission et on espère revenir. Voilà. Ah ben, j'espère que vous reviendrez. Vous êtes des amoureux aussi. À bientôt, messieurs. Un vrai travail d'animateur. Ah. Bravo. Voilà, alors une bise fomblardesque et puis bonne soirée. Bonsoir.